Après seulement 5 semaines de présence dans le classement, bim, première place ce soir pour DJ Snake et Justin Bieber avec le son de Let Me Love You sur Fun Radio. Je vous redonne le top 5 de ce soir. Cinquième, le son de Major Lazer avec Cole Weller. Quatrième, Justin Timberlake avec le Can't Stop the Feeling. Troisième, Calvin Harris pour le This Is What You Came For. Second, Kungs avec This Girl. Et donc premier, DJ Snake, Justin Bieber avec le son de Let Me Love You sur Fun Radio. Allez hop, bonne fin de week-end à vous. On va se retrouver à minuit avec Party Fun Deep. 22h, ça sera Marion et Anso, le Night Show. Et on va terminer là, maintenant, quasiment 20h, avec... Karel en pleine forme. Yes. Avec le Doc en... Oui, mais vaincu. Ah oui, ah mais quand même, c'est bien de l'admettre, c'est bien. Comment ça, Doc? Qu'est-ce que tu dis? Que tu étais vaincu. Ah oui, ça y est, on attaque tout de suite. On attaque tout de suite. Il a perdu, il a perdu. Parce qu'on a, on a fait du paintball. Mauvais perdant, mauvais perdant. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Et attends, on va régler tout ça. Mais c'est, on avait une compétition de paintball aujourd'hui dans l'équipe avec notre auditeur qui avait gagné le grand jeu des stickers, Miko. Ah bah oui, et Alice aussi. Mais qui s'en est plutôt bien tiré apparemment. Non, elle était dans l'équipe de Karel, dommage. Elle a perdu. Ça va, je n'ai pas de stigmate sur la peau, moi, donc. On n'a pas triché, en tout cas. J'ai pas eu peur de me battre. Allez, on y va, on attaque la Vinfun. Merci, Miko. Allez, salut, ciao, ciao. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01-42-48-5000. Love 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio dimanche soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end. On est dimanche soir à la cool, on va passer toute la soirée ensemble sur Fun Radio au 01 42 48 5000. Aujourd'hui c'était une journée particulière, on a eu la chance d'être avec, d'ailleurs il va être notre auditeur du soir, hein, toute la soirée. Oui. C'est le grand gagnant du jeu des stickers, c'est Rémi qui a passé la journée avec nous. Ça va Rémi? Ouais, ça va super, et toi? Ah bah on a passé une bonne journée ou pas? Ouais, super. Oui, mais bon, il était dans la mauvaise équipe. Alors, des gens qui n'ont pas triché. Avec nous, on n'a pas triché. Il y avait deux équipes. Alors, dans mon équipe, il y avait Alice, il y avait Kassim, il y avait Rémi. Rémi et Cindy. Et dans ton équipe, Il y avait moi, il y avait la tsarine Catherine. Il y avait Guillaume le Conquérant et Godefroy de Montmirail. C'est ça. Nous avons vaincu. Loyalement. Ouais, loyalement. On vous a battu à plein de coutures. Ouais, ah, d'accord, ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Ouais, Guillaume. Ouais, on a gagné. Godefroy. La victoire a été accordée effectivement à Doc et son équipe, alors qu'on les a massacrés. Pendant 2 heures. Oui, mais il ne s'agit pas de massacrer. Je vous annonce que Doc est en sang. Ouais, Doc il a saigné. Moi, je n'ai pas eu peur de me battre. Mais à part ça, on l'a pas touché. Je veux dire, Karel, il était. Vous savez, on commençait au fond, il restait au fond. Non, mais arrête, ne bougez pas, parce qu'en fait, il se planquait. Ah, le menteur. Je suis même à la dernière épreuve, je suis allé le kidnappé à la fin. Il était planqué au point de départ. C'est ouf, le Doc. Avec mon arme sur la tempe, il s'est rendu. On a plein d'anecdotes à vous raconter. Je pourrais vous parler de Guillaume du Standard qui s'est pris une boule dans les testicules. Ça s'est passé. Et franchement, on a passé un super moment. J'aimerais remercier tous les organisateurs. Vous allez avoir les images. De Go Park. Ça se passe du côté de Pontoise. Il y en a un aussi à Hénonville. C'est là d'ailleurs qu'on était. Alors, si vous voulez faire du paintball, c'est là-bas que ça se passe. Il y a une organisation de malades. Ouais, c'est sérieux. Ah non, franchement. Mais c'est physique. Hein. On s'est éclaté. Ah bah tu m'étonnes, Doc. Vu tout ce qu'on t'a mis, c'est forcément physique. Go Park, d'ailleurs, on va vous offrir des places. Hein, parce qu'on s'est dit, c'est plutôt cool d'en faire. Avec Rémi, notre auditeur du soir et notre auditeur de la journée, j'ai envie de dire. On va vous enfiler là, plein, là, au standard. Et moi, en tant que gagnant, j'en ai eu 4. Ouais. Que j'offre aux auditeurs. Oh, en tant que gagnant. Bah, il manquerait plus que moi, en tant que perdant, j'en ai eu 10. C'est bizarre, j'en ai eu plus. C'est bizarre. Et on les offre, bien sûr, les 14 places au standard 01 42 48 5000. On va accueillir Elliot tous ensemble. Elliot, il a 14 ans, il est de Saint-Malo. Bonsoir Elliot. Salut Elliot. Salut Karel, salut le Doc, salut Alice, salut tout le monde. Salut. Salut Elliot. Tu nous appelles pourquoi toi dans l'émission Elliot? Eh ben parce que j'ai un gros problème. En fait, ça fait plusieurs temps depuis la rentrée que je suis en quiche sur une meuf. Et elle est super populaire au collège et tout. Et en fait, elle me plaît vachement et tout. Elle est super belle et tout. Et en fait, je l'ai embrassée pour une fois la semaine dernière. Ouais. Et en fait, le gros problème, c'est que elle pue de la gueule. Merde, elle pue de la gueule. C'est-à-dire, mais ça sent quoi? Ah je sais pas, ça sent l'oignon, le café, mais ça pue, ça m'écœure. Donc tu n'es plus amoureux d'elle? Ah non. Ah oui, t'étais peut-être tombé à un mauvais moment. Ça arrive parfois de refouler. Bon, alors, effectivement, quoi. t'étais amoureux, elle te plaisait, parce que quand on est vraiment amoureux et qu'on aime, les odeurs passent outre, enfin, passent outre, pardon. Donc voilà, non, mais c'est pas grave. C'est, voilà, bon, donc du coup, maintenant, c'est plus la plus populaire. Bah, mes copains, ils me disent, ouais, bah non, mais c'est bon, tu t'en fous. Ah, mais attends. C'est une fois et tout, mais. Non, mais ça, c'est clair, Elia, tu t'en fous totalement. S'il n'y a plus de la gueule, tu lui files un tic-tac et puis on n'en parle plus, quoi. Non, mais surtout. Bah, non, mais je sais pas comment lui surtout, dire. Mais oui, mais c'est ah, c'est ça qui est gênant, en fait. Non, comment dire à quelqu'un qui sent mauvais de la bouche? Moi, j'ai été gêné toute la journée avec Rémi, notre éditeur, qui sent mauvais du gosier, c'est vrai, Rémi. Mais enfin, tu ne te laves pas les dents. Le pauvre, non, déjà, non, mais attends. Moi, ce qui m'étonne. Déjà, j'étais en lapin, oui. Il sort avec une fille parce qu'elle est populaire, pas parce qu'il est amoureux. Voilà, c'est là qu'est l'erreur, mon ami. C'est vrai, Elliot. On sort pas une fille parce qu'elle est populaire. Voilà, on n'est pas amoureux d'une fille parce qu'elle est populaire. On est amoureux pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour les sentiments qu'il y a pour elle. Ouais, il a raison, Doc. C'est un peu ça, j'ai l'impression, Elliot, non? Bah non, parce que je l'aime bien quand même. Ouais, bah je l'aime bien quand même. Mais c'est surtout qu'elle est très populaire, n'est-ce pas? Bah ouais, un peu. Ben voilà, Elliot, tu t'es rendu ça compte. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Ben bien sûr, la nana la plus populaire, quelle qu'elle soit, elle peut puer de la gueule. Voilà, ça arrive, quoi. Non, mais après, c'est pas. Enfin voilà, si tu peux t'accrocher. Surtout, ouais, t'es pas amoureux d'elle. Passe ton chemin, mon grand. Passe ton chemin. D'accord, Elliot? Bah ouais. Bah oui, parce que sinon, des solutions pour pas puer de la t'es gueule. T'es peut-être pas obligé de dire à toute l'école qu'elles sont mauvaises de la bouche, non? Ouais. Hein? Non, bah je l'ai pas dit à tout le monde, non. Ouais, ou presque. Dit, mais... Ouais, à tes potes, quoi. Qui l'ont dit aux autres potes, ce qui fait que tout le monde l'a répété. Non, je pense pas. Après, je le ferai bien demain, mais... Ouais. Mais dites-nous si votre premier baiser a été un échec, un désastre. Hein, parce que c'est vrai que ça arrive aussi, l'appareil qui se coince, tu vois, des délires comme ça. Et toi, tu te souviens une petite anecdote de bisous, Alice? Bah, ça m'est déjà arrivé d'avoir un chewing-gum et de ne plus du tout savoir où il était après. Ah oh, merde. L'échange de chewing-gum. Il était chez l'autre. Voilà, mais il n'avait pas l'air de le mâcher, donc bizarre. Ah, mais il y a des baisers qui sont foirés et parfois il y a des baisers qui sont vraiment réussis. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a faite jeudi soir de Doc qui était venu avec Katoche. Katoche, sa femme, sa future femme avec qui il va se marier. Ouais. Et alors, si vous voulez voir une grosse pelle, mais avec la langue, hein, j'ai l'impression que Doc, il avait 12 ans. Quoi, sans grave, déconner. Il s'est pas fait prier. Il a été direct. On embrasse, il faut y avoir tout son cœur. Ah, bien sûr, à moitié. Pas le baiser aseptisé. Ah, bah, ça c'est clair. Hein. N'hésitez pas, ça se passe sur la page YouTube de l'émission. Elliot, tu reviens quand tu veux, mon poteau. Et reste comme tu es, tu es magnifique. D'accord, merci beaucoup. Tu connais le sexy chocolat, Elliot? Non. Eh ben tu vas écouter cette émission plus souvent, mon petit Elliot. Hein. Sexy chocolat, c'est à tout moment. Dès que vous avez besoin, qu'on teste la fidélité de votre mec ou de votre nana. Et c'est Adrien qui va nous rejoindre sur Fun Radio. Adrien, t'as 23 ans et tu es de Cergy Pontoise. Il veut tester en fait sa nana Mélissa. On va l'accueillir dans 3 minutes sur Fun Radio. Il a des doutes sur la fidélité de sa meuf. 01 42 48 5000. N'hésitez pas à réagir toute la soirée sur Fun Radio. On est avec vous du dimanche, jeudi 20h, 22h. Les photos du GoPark, on va vous mettre là sur le Facebook de l'émission. Allez, matez tout ça en attendant, c'est Parakeet. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my The Parakeet, Save Me sur Fun Radio. A-t-elle vraiment des sentiments pour vous? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Lovin Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. Quand rien ne va plus dans votre couple, quand vous passez votre temps à regarder le Facebook de votre mec, de votre nana, à scruter le moindre petit moment où vous pouvez prendre son téléphone portable pour regarder ses messages, c'est que rien ne va plus. Ouais, non. Et c'est que vous avez besoin de nous. Et ce soir, Adrien nous a appelé, 23 ans, de Cergy-Pontoise. Bonsoir Adrien. Salut. Salut tout le monde, salut Doc. Salut Adrien. Salut, bienvenue. Salut, salut. Adrien, Sexy Chocolat, explique-nous ce soir pourquoi tu veux qu'on appelle ta copine pour lui permettre d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. Bah voilà, j'ai décidé de faire ce test-là parce que on couche beaucoup moins ensemble. D'accord. On touche beaucoup beaucoup moins ensemble. Et elle sort plus souvent avec ses copines. Il y a plus de feeling entre nous. Je trouve ça bizarre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 9 mois. 9 mois. Ah ouais. Et c'était comment au début? Bah c'était très bien. La passion. La passion. Ouais, très très. Franchement, très très bien. Quand on s'est rencontrés, coup de foudre. Honnêtement, très très bien. On s'est mis rapidement en appartement. Mmh. Et vous donc, habitez ensemble. Ouais, on vit ensemble. Tu lui poses des questions ou pas, ou tu laisses faire? Bah, dès que je lui pose des questions, ça part un peu au clash, tout ça. Donc c'est un peu compliqué en fait. La communication est devenue très compliquée. T'as des doutes sur un mec? Non, pas spécialement. J'ai pas de nom. T'as pas de nom à nous donner? Non, parce que j'ai pas de nom. C'est ce qu'on va lui demander, nous, de donner un nom, justement. Je me doute. Le but, c'est qu'elle dise Adrien, hein, comme ça, c'est qu'elle dise Adrien, oui. Elle passe toujours toutes les nuits avec toi, ou il y a des nuits sans toi? Nuits où elle dit qu'elle sort avec ses copines et elle rentre pas. Ah, après, moi, je travaille de bonne heure le matin, donc... T'as fouillé un peu ou pas dans son téléphone? Bloqué de partout. D'accord. Ah oui, il y en a qui sont prévenants. Et puis maintenant, elle est sécurisée, c'est empreinte digitale et tout, quoi. Donc tu peux toujours te brosser. Ok. Adrien, on va l'appeler. Elle s'appelle Mélissa. D'accord? C'est ça. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. C'est un cadeau qu'on lui fait et j'espère qu'elle va dire « Adrien, on y va, c'est parti ». Je vais donc m'appeler sur une proposition de Rémi, notre auditeur du soir... Arthur Lutte. Ah, c'est parti. Allô? Oui, tu mets la commande de côté. Allô? Oui. Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Mélissa, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bon, bonsoir Mélissa, excusez-moi de vous déranger, je sais que j'appelle un petit peu tard, on est dimanche soir. Je me présente, Arthur Lutte de la chocolaterie Sexy Chocolat, je me permets de vous appeler en fait... pour vous permettre d'offrir 50€ de chocolat érotique à la personne de votre choix. Vous n'avez rien à payer, en fait c'est comme un bouquet de fleurs qu'on peut envoyer à son amoureux ou à son amoureuse. En fait on est une chocolaterie qui vient de s'installer pour se faire connaître, on se permet comme ça d'appeler quelques particuliers pour leur faire bénéficier de 50€. Vous n'avez rien à payer en fait, et vous offrez un beau cadeau à votre chérie, si vous en avez un. Est-ce que ça... Ouais, on y va, ça marche? Oh, ok, alors par contre je vous entends pas bien, est-ce que vous pourriez peut-être... Vous m'entendez mieux là? Ouais, là c'est mieux là, ok. Oui, vous disiez que vous venez d'ouvrir, c'est ça? Comment? Vous venez d'ouvrir? Oui, absolument, on a ouvert là cette semaine à Cergy-Pontoise là. Bon bah si je peux vous aider à faire de la pub ou quoi... Et vous êtes vraiment adorable et vous allez faire un heureux, hein, puisque c'est 50€ de chocolat érotique qu'on va envoyer à la personne de votre choix, donc je précise bien érotique, hein, et petit chocolat en forme de sexe. Ok. Ok, on y va. Mélissa, je vous entends pas bien. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom de la personne, parce que j'ai envoyé un petit message avec, c'est mieux. Bah, il s'appelle Maxime. Maxime, d'accord, c'est parfait. Alors, hop, Maxime, c'est nouveau, c'est assez récent comme relation. Ça fait déjà pas mal de temps déjà. D'accord, ok. On est sur du 2-3 mois? Ouais, un peu plus. 4-5 mois. D'accord, ok, ça marche. Le petit message, qu'est-ce que je mets pour toi, mon chéri? Non, dites devine qui c'est, avec un point d'interrogation. Devine qui c'est. Avec un petit cœur. Donc, avec un petit cœur, hein, c'est important, d'accord. Oh oui. Ok. Si vous voulez, franchement, je peux en envoyer un deuxième, si jamais vous voulez faire plaisir à quelqu'un d'autre. Bah après, j'ai pas forcément de deuxième personne. Oui, non, bien sûr. On n'a pas tous de chéri, ça c'est vrai. D'accord. Bah après, sinon, j'ai éventuellement... Ouais, une personne, mais bon... C'est moins bien avec lui. On va dire ça, c'est Adrien, mais enfin voilà. D'accord, ok. Bon, vous savez quoi? Vous êtes sur les deux tableaux? Non, mais en fait, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai un mec, mais il me saoule tellement, je sais pas comment le quitter, donc voilà. Ok. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Bon, vous savez quoi, moi, je vais m'occuper de Maxime et je vais vous passer mon responsable, d'accord, qui va prendre, qui va prendre les coordonnées. Vous vous raccrochez pas, d'accord, je vous le passe. Il n'y a pas de souci, merci. Adrien ? Oui. Ah voilà. Allô ? Allô ? Ouais, t'es sérieux là ? C'est qui Maxime ? Et toi, t'es sérieux là ? Bah ouais, je suis bien, je suis plus que sérieux, même t'es, là, t'es vraiment une grosse pute en vrai. Non mais t'es sérieux de ce que tu viens de dire, tu me dis que c'est quoi le bordel ? Ben c'est quoi ce bordel, c'est qu'en gros t'es sur Fun Radio, t'es dans Sexy Chocolat, et que la France entière sait que t'es une grosse pute. Ah, je vois que ton immaturité a augmenté depuis la dernière fois. Waouh, tu m'as Ah ouais, bah ouais, bah écoute, c'est pas moi qui vais, donner ma. C'est pas moi qui vais donner ma chatte à tout le monde. Hein. Mais c'est quoi mec, franchement, mais tu me casses la tête tout le temps, t'es un gros lourd, je savais pas comment te quitter. Bah maintenant comme ça, tu vois, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah, comme ça, pépère, on est bien. On est désolé Adrien. Ça s'appelle une rupture. Ça s'appelle. Ah ouais. Bah tranquille, c'est une bouffonne, c'est une grosse pute. Non. C'est son problème. C'est son problème. Mais c'est une bouffonne, c'est tout. C'est une bouffonne. Mais non, mais je suis énervé de quoi ? Je suis énervé de quoi ? Soit je vais rentrer à l'appart, elle va prendre ses cliquets, ses claques, je vais la balayer, point barre. Non. Mais comme ça, je pourrais aller habiter avec Maxime tranquillement. Oh, ah non, Mais va. Ah, non, mais tombe en tente de lui. Oh, mais tombe en tente de lui qui te refile le sida, va, grosse bouffe. Ah, mais pourquoi tu fais comme ça ? Pourquoi tu fais le mec qui a trop le seum ? Faites-vous un paintball, ça détend. Nous, on a fait un bon paintball cet après-midi. Je peux dire que ça détend. J'ai vu ça avec elle, ça te bête bien. Arrête de faire le mec qui a le seum. C'est quoi ? T'es juste un gros loup. Mais vas-y, ferme ta gueule. Non, mais c'est pas. Maintenant, enculé. Attends, tranquille. Mais attends, on se capte ce soir. Hey, tu vas pas la frapper. Mais je vais voir quoi, c'est quoi tes menaces? Non, je vais pas la frapper, mais bien sûr que non, je vais pas la frapper. Je vais pas la frapper. Non, bah, peut-être attendre demain. Attends. Dis-moi, très sérieusement, tu savais bien que ça n'allait plus. Tu nous l'as dit. Non, mais je suis d'accord, mais la meuf, elle est là. On prend un appartement ensemble. Elle est là, on fait les choses bien. On prend un appart, on loue un appart. Au niveau des thunes, c'est assez galère et tout ça. On a tout fait pour prendre un appart. La meuf, elle va se faire baiser par un autre mec, elle va se faire enculer pour en bas. T'es un peu déçu, ça s'entend. Avec plaisir. Oui, je suis déçu. Mélissa, elle en rajoute aussi. Hein. Bon, Mélissa, je suis déçu après, voilà. Mélissa, voilà, je suis désolé de t'apprendre que t'étais en direct sur Fun Radio. C'est Adrien qui voulait tout savoir. Enfin, en même temps, avec son niveau de maturité, ça m'étonne même pas. Non, mais arrêtez de nous insulter. Cool, en revanche, je pense qu'on t'a aidé, Mélissa, finalement. Bah oui, hein, tu devrais nous dire merci. Bah ouais, finalement, je peux vous dire merci. Bah voilà, ça sert à rien de s'insulter dans ces cas-là. Quand ça va pas dans un couple, ça va pas. C'est pas en insultant l'autre qu'on améliore la situation. Il y a un moyen d'éviter ça quand même, Doc, hein, pour en arriver là. C'est parler, quoi. Mélissa, ça sert à quoi de rester avec un mec parce que t'as pas le courage de lui dire que tu veux pas rester avec lui? Voilà, finalement. Non, mais parce qu'il me saoule, il est collant, il fait toujours le mec pauvre. Non, mais t'es pas, mais c'est pas ça. Attends, et ton autre, là, nouveau, là, s'il est collant, tu vas pas gueuler? Bah non, lui ça va parce que ça n'a rien à voir avec l'autre. Ok, bon, en attendant, Adrien, tu voulais savoir, ça y est, maintenant tu es au courant. J'espère que... on prendra tes nouvelles quand même, Adrien, pour savoir un petit peu comment ça se passe après. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est à tous les deux bon courage, parce que c'est jamais évident, une rupture, c'est pas cool. Violent, ça. Moi, ça va aller, tranquille. Arrête d'en rajouter. Salut Mélissa. D'ailleurs, sa mère amie aussi, elle est bonne, donc je vais essayer d'appeler. D'accord, ok. Bah voilà, il a récupéré le sourire, Adrien. Salut Adrien. C'est pas grave. Salut à tous. Neuf mois dans une vie, c'est quoi? Un bébé. Oui. Voilà, exactement. Bon, salut et bon courage à tous les deux. Salut Adrien. Salut. Et on va accueillir Nicolas, 17 ans de Perpignan. Bonsoir Nicolas. Salut Karen, salut Doc, salut Adis. Ouais. Salut Nicolas, tu nous appelles pourquoi ? Alors moi je vous appelle, c'est parce qu'en fait je prends des douches au foot avec les mecs et je me pose des questions sur ma sexualité. D'accord, parce que tu les mates, c'est ça ? C'est incroyable parce que notre auditeur du soir Rémi, quand je l'ai ramené tout à l'heure du Go Park, me disait exactement la même chose. Il va régulièrement dans la douche. Et il mate ses potes. Le mot est choisi. Enfoiré. Je t'aime Rémi, reste avec nous. Et voici Arizona, I Was Wrong sur Fun Radio. Oh, I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it, there's not much to figure out, 'cause I know why. And won't try to fight it, try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. It used to be so warm those days. Try not to remember. I got lost in the storm. My ways wouldn't pull myself together, And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. Say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. Yeah, I just wanna say that I was wrong. I know. Arizona et Robin Schulz sur Fun Radio, I was wrong. 01 42 48 5000. Love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Merci de passer le début de soirée avec nous sur Fun Radio. Il y aura du défi, fallait pas demander, comme tous les soirs à 21h, avec le meilleur défi de la semaine. Restez bien avec nous. On lit vos messages aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs sur le Facebook de l'émission, le Twitter. D'ailleurs, vous avez regardé le Facebook Live qu'on avait fait juste avant le drame, hein, pour Doc, bien sûr, hein, puisque ce sont des blessures de guerre qu'il a sur le visage actuellement. On va parler le drame, c'est la défaite de Karel et de l'équipe. C'est ça le. Non, Doc, tu peux pas dire ça. Nous avons gagné vaillamment. Bien sûr, mais nous n'avons pas saigné de la bouche. Ah, un point. Oui, mais bon. Et vous voulez que je vous raconte une anecdote de dingue? Ça, c'est une anecdote, mais elle est magique. C'est-à-dire qu'en fait. C'est Karel qui m'a fait une vache. Attends, laisse-moi raconter. À GoPark, ils sont tellement sympas qu'au début, quand t'arrives et tout, ils te filent genre des petites bonbonnières, quoi, tu vois. Ah oui, t'as accès à des bonbons et tout machin. Et Doc, à un moment donné, il a mangé un bonbon, il a recraché, on n'a pas compris pourquoi. Et en fait, il avait avalé une boule de peinture. Ça ressemble à des bonbons. Karel avait mis cette boule de peinture dans les bonbons. Et je me suis fait rouler. Alors, tu sais quoi, je l'ai toujours pas dit, mais la vérité, c'est que c'est vrai. J'avais mis et je m'étais dit, gros enfoiré. C'est qui le con qui va la bouffer? Je suis sûr que c'est Karel l'enfoiré qui a mis ça là-dedans. Nicolas de Perpignan, t'as 17 ans. Tu vas nous parler de ton fantasme dans un instant, mais d'abord, on lit vos messages. C'est parti avec Alice. Un message de GTA Movie. Je me trouve moche. Que faire? En général, quand on est jeune, on se trouve pas très beau physiquement parce qu'une grande modification de l'enfance à l'âge adulte, le physique change beaucoup, on se trouve souvent moche. En fait, être beau, c'est une question d'attitude. Rémi, notre auditeur du soir. Non, mais il a... Bah, tu sais quoi, fais comme Karel, fais de la radio. Il est bon, il est bon. Il est vraiment bon. Et alors, Rémi, c'est incroyable, il sort avec une fille qui a deux ans de plus que lui. Quoi. Et elle est vraiment canon. C'est vrai qu'elle est bonne. Merci. Mais si elle l'avait vu déguisée en lapin aujourd'hui au paintball, à mon avis, ça serait pas pareil. Hein. Les photos, les vidéos bientôt, hein, ça va débarquer. Un autre message, Alice. Un autre message de Mallory. En ce moment, je suis en kiff sur le son de Mike Perry, The Ocean. Est-ce que c'est possible de le passer avant 22h? Ouais, carrément. On écoutera aussi The Weeknd et les Daft Punk, là. C'est vachement bien, ça aussi. Avec Starboy. Je me marre parce que Doc, il a encore de la peinture sur les cheveux. Quoi. Non, moi, je suis bien lavé. C'est pas votre cas. Encore, Doc, t'en encore. Non, je suis bien lavé. Vous, non, vous êtes pas lavé. Tu veux, je peux prendre une photo, je te montrerai. Nicolas, t'es là? Ah, salut Karine, salut Doc, salut. Salut Nicolas. J'embrasse Godefroy à l'arrière qui, à mon avis, est au bout de sa vie. Après la journée qu'il a passée, le mec est ultra pas réactif. Godefroy de Montmirail s'est très bien battu. Nicolas. Et très belle chaussette verte aussi, on débriefera un jour. Nicolas, tu nous appelles donc pour nous parler de cette petite habitude que t'as dans les douches. Ouais, en fait, quand je suis, parce que bon, je fais du foot à l'extérieur de ma scolarité. Ouais. En fait, quand je suis avec les mecs à la douche après le foot, en fait, depuis quelques temps, ça me fait un effet bizarre. En fait, je les mate dans la douche et je sais pas. Ça me fait comme si je me sentais obligé de les regarder. T'as une érection ou pas quand tu les regardes? Non, du tout. Mais je sais pas. Ça me fait un petit effet bizarre en moi. Ouais. Mais alors que à côté, j'ai quand même. Enfin, je suis toujours en. Je suis toujours en kiff sur ma meuf, je suis toujours hétéro, mais enfin, je sais pas T'as pas d'érection quand tu penses aux garçons aussi? Non, du tout. Et tu fais des rêves des fois où tu rêves que tu te tapes un mec? Non, même pas. Non, les rêves homosexuels ne veulent pas dire que tu es homosexuel. Rêver d'une relation sexuelle avec un mec, c'est dans les fantasmes peut-être, mais ce n'est pas du tout un signe. Ça ne veut pas dire du tout que tu es homosexuel. En tout cas, écoute, c'est pas grave. Tu les mates, oui, parce que voilà, tu les regardes, ils sont à poil. Enfin, mais c'est normal. Pour autant, t'as pas une érection et t'as pas envie d'eux, donc tout va bien. Alice, quand tu prends ta douche avec des filles, tu les regardes ou pas? Des fois, vous comparez. Ah, genre, putain, j'aime bien tes boobs. Non, écoute, aussi, en fait. Ah, tu vois? Non, mais on n'est pas non plus du style à dire j'aime bien tes boobs, mais c'est vrai qu'on se flatte quand il y a lieu de se flatter. Et puis, oui, on se regarde parce qu'on compare, mais ça a rien d'ambigu, quoi. On n'est pas en train de se mouiller dessus. Hein. Après, ce qu'il dit, Nicolas, c'est qu'il a une petite excitation, quoi. Non, il n'y a aucune excitation, non, Nicolas, tout va bien. C'est les filles qui t'intéressent? Bah oui, mais enfin je veux dire, ça va. Enfin, le fait que j'aille ça, de regarder les mecs et tout, ça va rien changer au niveau de ma sexualité. Mais non, tu les regardes. Est-ce que t'as envie de les toucher, de les caresser? Non, mais je sais pas, non. Non. Eh ben alors tout va bien. Allez, bah, alors oula. Voilà. Tu vois, Nicolas, te prends pas la tête. Et je peux te dire qu'à mon avis, quand les mecs prennent des douches communes, ils se matent tous, ils se regardent tous. Mais bien sûr, on se compare quelque part. On veut savoir qui est la plus grosse. Karel, par exemple, t'as qui a pris une douche avec Cassim, il arrêtait pas de le mater. ouais, bien sûr. Hein. Jaloux. Salut mon Nico. Salut. Petit message d'Alice qu'on a reçu, c'était ce week-end d'ailleurs. Ouais, j'ai reçu un message de Damien. En fait, il est victime de TOC et tous les soirs, il est obligé d'ouvrir et refermer tous les placards et tous les tiroirs de son appartement. Sinon, pour lui, impossible de dormir. Tu vas nous dire si on peut guérir un TOC, Doc. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un TOC? On va tout savoir. Et si vous avez vous-même un TOC, venez nous en parler là maintenant sur Fun Radio. 01 42 48 5000. En attendant, c'est Pitbull, Florida, Green Light sur Fun Radio. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I want them loose in this thing, like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Midas, I'm Flo Rida. You know I'm all about Serena Venus, glow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, smile out, rally stripes, 7500 pound out. Hey, red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Florida sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Et lâchez-vous hein, tous les soirs sur Fun Radio, 01 42 48 5000. Vous avez forcément un truc à dire, une question à poser. C'est vrai que parfois on se pose des questions dans la tête, on n'ose pas en parler à ses parents, à ses potes. Si vous pouvez le faire, on peut même changer votre voix, vous pouvez être anonyme, donc n'hésitez pas. Et en plus l'appel il est gratuit, on vous rappelle derrière quand vous êtes sur l'antenne. 01 42 48 5000, nous on est là pour vous hein, je vous le dis direct. Et d'ailleurs on a reçu un message sur le Facebook là, c'était ce week-end, sur les TOC. On va aider qui là? Un message de Damien, ouais, qui lui est victime de TOC depuis pas mal de temps maintenant. Il est incapable de s'endormir s'il n'a pas ouvert et fermé tous les tiroirs et tous les placards de l'intégralité de son appartement. Oh là, donc voilà, ça prend pas mal de temps chaque soir. Putain. Ces troubles obsessionnels et compulsifs, ça veut dire que tu répètes la même action de nombreuses, nombreuses fois, jusqu'à 100 fois, 150 fois. Laver, vérifier, compter. C'est à peu près ça. Donc effectivement, c'est des gens qui vont en permanence vérifier que la porte est bien fermée. Puis c'est une maladie, le truc. Et ils savent, oui, bien sûr. Et ils savent très bien que c'est irrationnel et qu'il n'y a pas de raison pour cela. Mais ils sont obligés de le faire, quoi. Ils sont obligés de le faire. Alors, les thérapies comportementales et cognitives sont très intéressantes pour ça, parce qu'en général, ça passe bien. Ça permet effectivement de se séparer de ce problème qui peut aller jusqu'à occuper une bonne partie de la journée. Ouais. Et voilà, et ça finit par déprimant. C'est quoi les tocs? C'est quoi les tocs les plus connus, Doc? C'est de laver tout le temps. Laver. Qui se lave les mains 150 fois par jour. Ouais. Qui vérifie sans cesse que la porte est bien fermée ou que la fenêtre est fermée ou ouverte, je ne sais pas. D'accord. Qui vont vérifier, compter le nombre d'escaliers. Ils ont pas, ils recommencent à recompter. Ouais. Voilà, j'ai monté 30 mes charges. Non, combien j'ai monté? Non, je recommence 1, 2, 3, 4, 5. Et il recompte encore après. 150 fois par jour, c'est trop. Oh, c'est insupportable. On a beaucoup de réactions. On a Amanda qui est avec nous, 27 ans, de Saint-Étienne. Bonsoir Amanda. Salut Amanda. Salut Amanda. Eh ben, ouais, moi aussi, j'ai plein de petits tocs en fait. Après, je sais pas, voilà. Vas-y. Mais c'est au niveau de ma porte d'entrée. La fameuse porte d'entrée. Ouais, exactement. Ouais. Il faut, avant d'aller me coucher, sinon bah, c'est impossible, je ne peux pas dormir, je vérifie si elle est bien fermée. Elle est ouverte, là, je te le dis, hein, quand même. Mais non. Ouais, combien de fois tu vérifies? Bah, quand je suis toute seule, ou le soir. Non, mais combien mais de fois tu vérifies? Combien de fois tu peux aller vérifier si elle est fermée ou ouverte? Bon, 2-3 fois. Ah, ça va. Ça va, t'es pas encore au TOC. Ouais. Parce que le TOC, c'est 10, 15, 20, 30 fois. Ouais, c'est ça. Tu vois, Qui se relève la nuit, ils vont voir si. Est-ce que ça peut s'aggraver, genre, tu vois, Amanda, oui, vérifie oui, deux, trois fois. Ça, alors, elles n'ont pas trop, mais ça peut s'aggraver. Ça peut s'aggraver, et là, on arrive effectivement à déprimer. C'est pour ça qu'il faut être. Il y a des risques de dépression avec le temps, oui. Ah ouais, tu m'étonnes, si ça t'occupe toute la journée. Amanda, pour l'instant, ça va. Il y a autre chose d'ailleurs, un autre toc? Bah ouais, c'est pas trop des tocs, mais par exemple, je vais prendre un verre propre dans mon placard, je vais le rincer, je vais boire. Je vais recommencer 5 minutes après, je vais prendre un autre verre, je vais le rincer, et après je vais enfin boire. Enfin, c'est des petites manies comme ça, qui c'est épuisant à force. Et, Oui, d'accord, mais ça, c'est pas 30 à 50 fois par jour, c'est une ou deux fois. Ouais. Mais voilà, mais tu fais ça, en tout cas, toute la journée. Toutes tes actions, tu les refais, tu les recommences une ou deux fois. Ouais. C'est pas non plus sans cesse, mais c'est vrai que... Est-ce qu'il y a des moments où tu oublies? Oui. Non, le verre et la porte d'entrée, c'est vraiment tous les jours. D'accord. Tous les jours. Puis voilà quoi. Même si je demande, j'en souffre. C'est pas vraiment que j'en souffre, mais bon, si j'ai pas vérifié la porte, je vais sortir du lit, vérifier la porte si elle est fermée. Si elle est fermée, j'ouvre le verrou, je déverrouille, j'appuie sur le loquet pour voir que c'est bien fermé, et puis après je suis tranquille, je vais me coucher. Là, tu l'as fait ce soir? Pas encore, je vais pas encore me coucher. Mais la porte est quand même fermée. Hein. Non, non, est ouverte. Fais attention, Amanda, fais attention. En tout cas, t'es pas loin, hein. T'es pas loin du délire, toi. Hein. Cédric aussi est avec nous. Il a 27 ans de Salon de Provence. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Salut. Salut, Cédric. T'as ta sacrée toquée, toi. Ah oui, énormément, oui. Ah, t'as du toc. En veux-tu, en voilà. Vas-y, c'est quoi tes tocs? Ben, par exemple, si je sais que je vais partir en vacances, je vais vérifier toutes mes portes des placards. Donc, il y en a 7. Donc, je vais compter les 7. Tu comptes? Donc, ça va donner, voilà, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ferme la porte de ma chambre, je recommence, je la rouvre, je recompte encore une fois. Ah oui, c'est toc-toc, ça. Ah, ça, c'est pas. Est-ce que t'as d'autres tocs comme ça? Ben, une fois que je suis descendu de ma chambre, je vais voir pour le bouton du gaz. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est tous les jours, de temps en temps. Tous les jours. Okay. Mais des fois, j'essaie de faire des résolutions et de. Tu devrais faire une thérapie comportementale et cognitive parce que là, effectivement, tu trouves toujours une bonne raison pour tout vérifier. Ah, ça te pourrit la vie en plus. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est clair. C'est pour ça que tous les jours. Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne fais rien? Hein, Cédric? Pourquoi tu ne fais rien du coup? Pourquoi tu ne vas pas voir quelqu'un qui pourrait t'aider? Ah, parce que j'essaye de diminuer moi-même, en fait. Ouais, sauf que... Sauf que tu n'y arriveras pas, c'est pas facile. C'est bien d'être suivi par un psychothérapeute qui fait ce que je dis, thérapie comportementale et cognitive. Tu as une association pour ça, avec des thérapeutes qui sont répartis partout en France, dont tu trouves facilement l'adresse. Et tu vas le voir, et bon, c'est... Ça, c'est notre conseil, c'est en tout cas, pour tous ceux qui ont des tocs. Hein. Marine, 21 ans de peau. Salut, Marine. Salut Marine. Salut. T'as des tocs, toi? Oui, j'ai un toc, c'est que quand à chaque fois que je mange quelque chose, enfin avant de le manger, je le sens automatiquement. Ah oui, il faut que tu sentes avant de le manger. Mais combien de fois tu le fais? Juste une fois, juste pour sentir discrètement. Oui, bah, ça, c'est pas un toc. Hein. C'est pas un toc, c'est bon. Non, c'est bon ça? Ah non, t'es un peu... Ouais. C'est bizarre quand même de tout sentir. Pourquoi tu le sens? Tu sens tout comme ça tout le temps? Tout le temps, parce que je suis obligée pour voir comment ça sent, quoi. Mais seulement la nourriture, c'est... parce que les gens, tu les sens avant de les embrasser, je sais pas. Non, juste mon copain, quand je l'ai à côté, je le sens quand on est en soirée ou comme ça, je suis obligée. Temps, L'odorat, c'est important. Et quelquefois, d'ailleurs, quand vous avez une nourriture avariée, il vaut mieux sentir. Hein. Ah bah oui, ouais. Ça c'est vrai. Non mais Marine, ça va a priori. Hein. Oui, ça va, c'est pas méchant. Bon bah tout va bien, Marine. Reste avec nous, il y a Flair. Flair, ça va pas du tout. Hein. Flair, 20 ans. C'est pas Flair. Ah bah moi il y a marqué Flair sur ma feuille. Flavie, bonsoir. Je vous jure, il y a marqué Flair. Mais n'importe quoi. En même temps, je me disais c'est pas un prénom fait, Flair. Il s'est fait battre. Qui s'appelle Flair? Il a perdu la bataille cet après-midi. Il a été très marqué, donc du coup. Ah, il est fatigué, il s'est battu vaillamment, mais il a perdu, donc vous comprenez. Ne t'inquiète pas, Doc, je n'ai pas perdu. Si, tu as perdu. Je n'ai aucune séquelle, moi, en ce qui me concerne. Flavie, t'es là? Oui, bonsoir. Bonsoir Flavie, je crois que Doc, il a un toc avec moi. Il veut absolument que je perde, je comprends. Non, mais tu as perdu. Oui, non, bien sûr, Doc, oui, j'ai perdu. Il faut les rassurer dans ces cas-là. Hein. Alors Flavie, tu es de Rennes, Flavie. Oui. T'as un toc ou pas, toi? J'en ai plein. Ah bah vas-y, raconte. Alors j'ai des tocs depuis que j'ai 10 ans, je compte sans arrêt dans ma tête, quand je bois, quand je mange, quand je m'habille, quand je fais n'importe quoi. D'accord, j'ai fait de la thérapie, oui, je compte. T'as fait une thérapie? Oui, donc qui a très bien fonctionné d'ailleurs, je recommande à tout le monde. Bah voilà, une thérapie comportementale et cognitive? Oui, voilà, oui, très oui. Bien. J'ai aussi une psychologue et puis bah, je prends des médicaments, mais à faible dose. D'accord, et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Bon bah voilà, énormément mieux. La preuve que ça marche. Merci beaucoup. Ouais, juste la différence entre ta vie de toc et ta vie maintenant, tu pourrais dire en deux mots? Ça change la vie, c'est formidable. Bah ouais, bah bien sûr. C'est pour ça qu'il faut que Cédric se prenne en main. Hein. Cédric, Marine, Paul, t'es là? Ouais. Salut Polo. Salut Paul. T'as 20 ans, t'es à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as passé un bon week-end à Bordeaux là? Pas terrible. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors en fait, j'ai un petit problème, c'est que je vérifie toujours si ma voiture est bien fermée. Ah, bah pourquoi, voilà pourquoi il passe son temps dehors, quoi. Mais les trucs automatiques maintenant, genre tu quittes, mais même ça, il va se fermer. Oui, il va le faire. Ah ouais. Tu vas faire. Ouais, c'est le pire, c'est que ouais, je le fais, je verrouille ma voiture, mais là j'étais en boîte samedi soir, j'étais obligé de sortir pour. Elle est où pour ta voiture? Si elle est bien fermée. Elle est où ta voiture? Ah là, je suis dedans. Ah bon. Mais tu sais quoi? Ah ouais non. Il y a un mec qui vient de rentrer là. Regarde bien, un mec qui rentre. Et Paul, t'es dedans, mais elle est fermée ou elle est ouverte là? Elle est ouverte. Tu peux vérifier qu'elle est fermée? Voilà. Ouais, c'est bon, j'appuie sur le bouton. T'as peut-être mal fermé. Tu sais, on tire mal à la porte. Non, ouais, donc voilà, donc ça me. Non, mais donc, tu fais une thérapie. Fais une thérapie. Parce ouais, que... pareil, hein, Paul. Ouais. Sinon, t'achètes une voiture de merde, genre tu t'en fous si on te la vole. Ouais, voilà. Une voiture sans porte. Oui, bah, oui, ça. Ouais, une voiture peut-être. Ouais, voilà. Un petit VTT, c'est sympa. Reste avec nous, Paul. En plus, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Ouais, pour Marie, elle peut pas s'endormir si le soir, quand la lumière est éteinte, elle ne prononce pas rouge à haute voix dans son lit. Si elle ne prononce pas rouge, elle ne peut pas s'endormir. Pour Estelle, tous les soirs avant de se coucher, il faut absolument qu'elle aille regarder dans son frigo. Donc, même si elle sait qu'elle ne va rien manger, il faut qu'elle ouvre et qu'elle regarde ce qu'il y a dans son frigo. Ouais, c'est bizarre. Et Diane, c'est un peu particulier. Dès qu'elle fait une erreur quand elle écrit, qu'elle fait une faute, après, il faut absolument qu'elle caresse sa feuille, son cahier ou même la table, parce que sinon ça la fait trembler, ça la fait paniquer. Bah donc, mais... elle fait une faute et elle caresse. On est chelou des fois, sans déconner, on s'explique pas. Ouais. Hein, c'est toc là, comme ça. Là. En tout cas, il y a des solutions, on vous l'a dit là. Rémi, est-ce que t'as des tocs, toi, notre auditeur, ce soir? Non, pas forcément. Non, est-ce que. D'ailleurs, bah, depuis qu'il est avec ton contact, dans ton équipe, je trouve qu'il a chopé des tocs. Il vérifiait son arme tout le temps. Bah, c'est normal, il avait peur de te faire du mal. Rémi, notre auditeur du soir, qui nous débriefera d'ailleurs sa journée hein, dans pas longtemps et qui nous dira la vérité sur cette fameuse victoire du doc et cette tricherie organisée avec les organisateurs de GoPark. Restez bien avec. Qu'est-ce qu'il est mauvais perdant. Dans un instant, on va prendre des nouvelles de Victoria, transsexuelle, qui n'avait pas avoué à son mec qu'elle était un homme. Après 4 ans de relation, on va l'appeler, on va vous expliquer tout ça après Sam Felt. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. My head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups. Down by the we spent those long hot nights until the sky turned blue. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free, but you were all that I need. My feet down in the sand, you took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you, we were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a coke and rum. You asked me, are you sure? 'Cause I cannot be returned. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. When I Sam Felt sur Fun Radio, Summer on You. 01 42 48 5000. Love Fun 20h 22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Et passez une bonne soirée. Merci d'être avec nous. Dans un instant sur Fun Radio, il y aura le meilleur défi fallait pas demander de la semaine. On a eu une journée de dingue là aujourd'hui avec notre auditeur du soir qui a été également le grand gagnant. Voilà du non du non des, non le jeu des stickers. Ah, oh ça va. Ah, il est chiant. Oh, l'autre, putain. Il est relou. Et je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher. J'ai l'impression que c'est la première coupe qu'il gagne de toute sa vie. Il va la ramener à la maison. Non, on est quatre à avoir gagné. Alors attends, parce que celui qui a partagé cette journée avec nous va raconter sa journée. C'est Rémi, ça va Rémi? Ça va. Comment ça s'est passé déjà dans la voiture avec Kassim? Parce que t'es venu en voiture avec Kassim, toi. Oh bah il était chiant. Kassim quoi. Je déconne. Bah oui, c'est vrai. Bah alors, et du coup, t'avais gagné un iPad? Oui. Ah oui. Et la journée avec nous, qu'on t'avait promis. D'ailleurs, tu passeras la nuit avec Alice tout à l'heure, hein, comme tu sais. J'étais pas au courant de tout, en fait. Mais voilà. Alors, comment t'as trouvé cette journée, notamment à Gopark? Est-ce que tu peux raconter ta version des faits? Alors, pour commencer, j'ai été victime de tricherie. Ah, d'accord. Toute notre équipe a été victime de tricherie. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais joueurs? C'est-à-dire, vas-y, on t'écoute. Ouais, alors déjà, on va passer le fait que Doc, on lui tire dessus. Par exemple, ça arrive sur son casque, il frotte, il enlève la peinture et il continue de jouer. Et il dit c'est des éclaboussures alors que le mec pisse le sang quand même. Ouais, c'était des éclaboussures. Ouais, ouais. Mais quoi d'autre? Comme vient de le dire Alice, par exemple, à un moment, Karel, il l'a tiré en pleine tête, hein, sous le, enfin au-dessus. J'ai du fait casque. Un headshot. Exact. Et mais il saignait littéralement, il saignait. À la fin, il fait non, c'est des éclaboussures. Non, mais là j'avais arrêté là. Ouais. Non, on a gagné. Ouais, je vous assure. Il y avait un arbitre très. Mais ils n'aiment pas perdre en fait. Non, mais c'est vrai qu'en fait, la victoire vous revient parce que vous étiez 4 et on était que. En plus, vous étiez 5, ouais. Tu vois, après, c'est vrai que pour le coup. On a été trop bons joueurs et ça nous a desservi, nous, malheureusement. Bah ouais, c'est ça. Pour le coup, je pense que ceux qui ont pris le plus cher, c'est quand même Doc et Katoche. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce que Doc, au moins, on était courageux, nous. Alors, il faut savoir qu'il y a des déguisements en fait là-bas. Donc nous, on avait des combis normales et. Toi Rémi, qu'est-ce que tu portais? J'étais en lapin. On l'a pas respecté. Et Katoche, elle était en? En poulet. C'était trop drôle. Il va te dire que du poulet, elle en a mangé. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Non, mais franchement, ça a été un super moment. Elle n'a pas eu peur de se battre non plus. On remercie. Toi, t'avais peur pour elle, toi. Hein. Ah oui, moi, vous avez failli la tuer. Non, mais alors, il faut la glotte. Il faut qu'on raconte ça parce qu'en fait, c'est Alice qui a failli tuer la future femme du doc. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, j'étais super bien placée et je voyais Katoche, enfin, du moins, je voyais son costume dépasser et je me suis dit, putain, la Katoche, là, dès qu'elle bouge, je la chope, je la défonce. Ouais. Et en fait, elle se décale et là d'un coup je vise mais un peu trop et c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter à une bille et j'en ai mis 3 en plein dans la gorge. Ouais. Et à ce moment-là elle a réagi comme une scène de film, on avait l'impression que j'avais tué. Elle a dit Doc. Elle a crié en mode oh, et là Doc il a fait oh non, c'est comme s'il était en train de voir Katoche. Ah ouais, attends, c'était une yeux, scène de cinéma les amis. Ah non, mais c'était il allait juste sauver la vie. Elle avait visé la glotte. Oh non, ma chérie, quand même protection, hein. Il la prenait dans ses bras. Ah, c'était magique et ça s'est passé. Je l'ai sauvé. Ça s'est passé à Gopark. D'ailleurs, il y a des invitations. La vidéo qui va arriver bientôt. Et on vous file 14 invitations. Je sais pas s'il en reste encore ou pas. En tout cas, on fera un petit tirage au sort parmi tous les appels. 01 42 48 5000. On va revenir dans un instant avec Théo. 13 ans des Sables d'Olonne. Théo qui nous avait fait un défi, fallait pas demander, mais mythique dans l'émission. Restez bien avec nous. Ça, vous allez en parler, hein. Franchement, il avait appelé son papa, Yanis, et il lui a demandé, papa, est-ce que si la capote craque, la fille peut tomber enceinte? Je vous imagine, enfin, il a 13 ans, le mec, hein. Donc, autant te dire que c'est une catastrophe pour son père. Et ça va partir en couille. Vous restez bien avec nous. En plus, on va écouter du bon son. C'est Ritza, Porto Rico. Porto Rico. Minutes à peine, on est de retour là tous ensemble sur Fun Radio, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat. Avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Non-stop. Fun Radio. Le son Dance Floor. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Listen up from your lies. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. The kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Merci d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio, c'est Love in Fun, 01 42 48 5000, c'est le numéro pour nous appeler bien sûr. On va tout de suite retrouver Victoria, Victoria avec qui on a vécu un vrai moment d'émotion en direct sur Fun Radio là cette semaine. Victoria, 21 ans de Paris, t'es là Victoria? Oui, je suis là. Salut. Salut. On avait dit qu'on allait te rappeler Victoria pour prendre de tes nouvelles. Tu peux expliquer pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine pourquoi tu nous avais appelé dans l'émission? Eh bien, en fait, je suis en couple avec un homme depuis 4 ans et je suis mariée depuis un an avec lui. Et il savait pas que j'étais transsexuelle, en fait. Voilà, il savait pas qu'avant d'être une femme, tu étais un homme. Voilà. Surtout pour que les gens comprennent bien, parce que souvent il y a des amalgames, ça n'a rien à voir avec le fait d'être travesti. Tu es une femme devant l'état civil, la loi a changé ton état civil et tu as subi des interventions qui font de toi une femme à part entière. Voilà. Voilà. Sauf que, évidemment, ça, on ne peut rien contre ça, tu es stérile. Voilà. Alors, tu nous avais appelé justement pour, demander des conseils, savoir si tu devais en parler ou pas. On va réécouter ce qui s'était passé à l'antenne et juste derrière, tu nous diras ce qui s'est passé, justement, toi avec ton mec. D'accord? D'accord. On écoute. J'ai rencontré un homme il y a 4 ans de ça. Ouais. Et en fait, donc, ma technique au départ, c'était de pas lui dire ce que j'étais, en fait, pour qu'il me découvre pour ce que je suis et pas pour ce que j'étais. D'accord. Comme une femme. Et, en fait, le problème, c'est que les sentiments ont pris le dessus, les choses ont avancé, ont pris son cours, et au final, au bout de 4 ans, j'ai toujours pas dit que j'étais transsexuelle. Sachant D'accord. que là, le problème, si je vous appelle ce soir, c'est parce que je suis mariée depuis un an avec lui, ouais. Donc ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mariée depuis un an et demi ensemble, et là, le problème, c'est que on parle de choses un peu plus concrètes, qu'actuellement, je ne peux pas lui... Ah oui. Je ne peux pas lui donner. Quoi, parce que ça, tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est d'accord. une évidence. Ok. Mmh. Mais d'accord. alors, attends, juste une petite question quand même, Victoria, parce que tu nous as parlé de cette opération, donc tu l'as faite avant de le rencontrer. C'est une opération qui consiste en quoi, en fait? On t'a mis un sexe féminin. Voilà, c'est ça. Mais en fait, on ne m'a pas mis. On a transformé mon sexe voilà. d'un masculin à féminin. Victoria, je comprends que voilà, tu es une femme maintenant, etc., mais... Tu partages ta vie avec un homme depuis 4 ans, c'est ton chéri, tu t'es marié avec lui, enfin c'est... Et pourquoi tu lui caches un truc si important? Enfin je veux dire, t'as peur de le perdre si tu lui dis ou pas? Peur de le perdre, je sais pas. C'est un peu compliqué de me dire que... Je comprends. Je me sens comprends. Pas transsexuelle, en fait, si vous oui, voulez, je vous explique vite fait. En fait, c'est à partir de l'âge de 4 ans, donc avec mes parents à Noël, ils ont commencé à voir que je me sentais un peu femme, enfin fille. Mmh, ouais. Et en fait, je vis en fille depuis l'âge de 12 ans. D'accord. Et je suis hormonée depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Okay. Par dérogation. Parce que normalement, les hormones se prennent à partir de l'âge de 18 ans. D'accord. Faut expliquer peut-être le transsexualisme, Doc. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas dans le bon corps, en fait, dans le bon sexe. Alors, les transsexuels, effectivement, sont essentiellement soucieux de leur image corporelle. C'est-à-dire que le garçon ne supporte pas de voir des attributs masculins sexuels, je pense que c'était ton cas, et ne supporte pas de voir leur image, hein, au-delà du fait que leur féminité est une réalité, donc du moins psychologiquement. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, oui, je suis d'accord. Et de se regarder dans la glace avec des attributs masculins, créait un réel et grand malaise, et ce malaise ne disparaît que lorsque l'opération a eu lieu, c'est ça, hein? Oui. Après, moi, ce que je voulais préciser, c'est que c'était pas un choix. Hein. C'est quelque chose qui est depuis toute petite. Bien sûr. Et c'est pas, je me suis pas levée un matin disant ouais, bon, c'est pas un fantasme. D'ailleurs, faut préciser que il y a avant de procéder à cette intervention un accompagnement psychologique, des avis de psychiatres. Bref, c'est largement soutenu, étayé. Ce n'est pas une décision qui se prend comme ça à la légère, un beau matin. Aujourd'hui, Victoria, si tu nous appelles, c'est que t'as envie de savoir quelque chose. En quoi on peut t'aider ce soir, Victoria? Eh bien, je voulais savoir comment je peux... Parce que là, ce soir, en fait, mon copain termine son service à 23h. D'accord. Et je voulais lui en parler, mais je sais pas de quelle manière... Moi, je vais te dire, dis-lui que tu es stérile. Voilà, tu as fait des examens, tu sais que tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc pour c'est la première étape. Oui, ouais. C'est la première étape. Mais elle le dira ou pas Non, mais attends, je vais vous expliquer. Le problème, son problème, c'est qu'effectivement, elle a été très perturbée et mal à l'aise avec cette identité masculine. Et de dire à un garçon, j'ai été un garçon et je suis devenu une fille, va forcément générer dans la tête de ce garçon une image trouble. Hein, et qu'elle a préféré établir en tant que femme, puisqu'elle est femme, reconnue par la loi. Elle a préféré garder totalement indemne cette identité et ne pas révéler son passé. À la limite, je te comprends. Voilà. Je pense qu'il ne s'est pas fait rouler. Tu es vraiment une femme et voilà, ça n'a rien à voir avec le travesti, bien évidemment. Vous le comprenez bien. Voilà, donc c'est ça. Alors, moi, je ne sais pas. Il va forcément l'apprendre un jour. Moi, je pense que ce qui sauvera tout cela, ce sont les sentiments. Parce l'amour. Qu'il t'aime. Ah. Oui, bien sûr, il t'aime, il aime une femme. Il n'aime pas un ex-garçon, il aime une femme, voilà. Après, je crois que quand on aime vraiment quelqu'un, c'est des choses que l'on peut entendre. Mais dis-le progressivement, mais pas brutalement. Parle de ta stérilité. Après, bon, après tu lui expliqueras. Chaque chose en son temps, Victoria, en fait. Okay. Hein. D'accord. Okay, super. Eh ben moi, je te fais un gros bisou. Eh ben, j'en parle ce soir et puis je vous tiens au courant. Oui, tiens-nous au courant et puis à la limite, si tu veux, moi, je veux bien, s'il accepte, bien évidemment, parler avec lui... directement. D'accord. On te fait des gros bisous, Victoria. Te fait pas de bisous. Dessin. Ciao. Ouais. Salut. Et on est quelques jours plus tard. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Victoria, si t'en as parlé, si tu as dit comme ce que Doc t'avait demandé, voilà, t'avais dit de lui dire que tu étais stérile. Donc en fait, le lendemain, je lui avais donné une lettre sur laquelle j'avais écrit que j'étais différente et que je voulais pas lui faire du mal, que c'était pas mon but. Et donc, du coup, quand il est rentré, ben, il a lu la lettre. Moi, j'étais partie faire un tour. Mais t'avais mis, quoi, t'avais mis quoi dans la lettre? T'avais mis que tu étais, t'avais une histoire, t'avais été un homme avant, etc. Ou Non, qu'elle était différente, c'est ça? En fait, j'ai été claire avec lui. En fait, je lui ai expliqué toute ma vie, en fait, en détail. Ah oui? Depuis l'âge de 4 ans, en fait. Et jusqu'à maintenant, et les raisons du pourquoi je ne lui ai pas dit avant... D'accord. Ça, pourquoi j'étais comme ça? T'avais écrit tout ça. Voilà. D'accord. Oui. C'était une lettre complète. Et donc, il est seul, il l'a lu. Voilà. Oui. Alors et après, il a vu que j'étais pas à la maison. Donc, du coup, il m'a appelé. Oui. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir à la maison de suite? Donc, j'ai un peu flippé. Oui. Et je suis rentrée. Et après, on a parlé. Voilà, on s'est posé. Et voilà. Et voilà quoi. Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il m'a dit que il s'attendait pas à quelque chose comme ça, parce que comme il dit, il est 100% hétéro, donc ça lui fait toujours un petit choc. Après, comme je lui ai dit, moi, il reste un hétéro pour moi. C'est pas, il y a rien qui change. Mais il m'a dit que du coup, en fait, moi, depuis 4 ans, il m'a vu comme une femme et que du coup. Il me voit toujours comme une femme, rien ne change, et qu'il m'aime encore plus aujourd'hui, et voilà. Wow. Ouais, c'est super. Ouais, il a eu une super réaction. Bon, c'est génial. Vraiment génial. Ah ouais. Oui, mais c'est. Bah, et puis en plus, bon, après qu'il ait découvert, après qu'il me parle de tout ça, j'ai eu des doutes sur le fait que, je sais pas, je me sentais mal, je me sentais pas forcément très, d'accord, très bien. Oui. Et c'est vrai que, ben, il a senti en fait que j'étais mal, donc du coup, j'étais me coucher. Et puis, bah, du coup, le lendemain, en me réveillant, j'ai eu un très joli bouquet de roses. Ah. Donc, du coup, voilà, ça me réconforte. Victoria est une femme heureuse ce soir. Mais, ouais. Mais, ah oui, mais carrément. Génial. Tu te sens en tout cas réconfortée dans ta personnalité et qui t'accepte comme ça a été très important pour toi. Oui, et bon, du coup, ben, on a discuté un peu de mon parcours et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il est prêt à m'accompagner dans n'importe quelle situation de mon parcours. En fait. Ouais, il est cool. Ok. Bah, c'est super. C'est un beau message, en tout cas. voilà. Est-ce qu'il sait que tu es passé à la radio pour le dire ou pas? Il a entendu ce message, mais il pensait pas que c'était moi, en fait. Ah, oui, carrément. Mais il t'a pas entendu à l'antenne. Il avait juste entendu le teasing, quoi, comme on dit. Voilà. D'accord. C'est fou. Ah, bah, heureusement qu'il a arrêté d'écouter la radio. Sinon, putain, le truc de dingue, quoi. Eh ben, merci beaucoup, bravo. Victoria, de nous avoir donné des nouvelles. Plein de bonheur, félicitations à tous les deux. Et j'espère que ben, vous arriverez à avoir un enfant en l'adoptant, hein, puisque c'est la solution. Nous, on le souhaite. Et puis voilà. Et puis, c'est surtout vous remercier à vous, parce que c'est vrai que je ne savais pas comment trop aborder cette chose. D'accord. Et ça m'a poussé un peu à le faire. Ça t'a aidé à passer le pas. C'est génial. Ton parfait. Donc, gros bisous, Victoria. Et puis voilà. Gros bisous. Allez, à toi. Salut. Merci beaucoup. Ciao. 01 42 48 5000. Dans un instant, ne ratez pas un grand moment qu'on a vécu avec Théo. Théo, 13 ans des Sables d'Olonne, qui a fait le défi, fallait pas demander. Il a appelé son papa Yanis et il lui a demandé: papa, est-ce que si la capote craque, la fille peut tomber enceinte? Ah. C'était un moment magique. 01 42 48 5000, c'est Love in Fun sur Fun Radio avec Ritza, Porto Rico. Je reconnais, j'ai déconné. T'as essuyé tes larmes et tu t'es envolé. J'y pense le soir en fermant les volets. Je t'imagine une dernière fois me pardonner. Je veux rentrer dans ta vie, mais le code est erroné. Tu as tourné la page de moi, t'entends plus parler. Je vais de ville en ville, non pas pour me balader. Mais tu es ce diamant que j'aimerais dérober. Tu peux fuir moi, oui, tu peux t'éloigner, tu peux m'esquiver, je viendrai te chercher jusqu'à Porto Rico, Porto Rico, je te suivrai jusqu'au bout du monde, à Porto Rico, Porto Rico, je te serai fidèle comme ton nom, Porto Rico, Porto Rico, je te suivrai jusqu'au bout du monde, à Porto Rico, Porto Rico, je te serai fidèle comme ton nom. Je vois ton visage partout à croire que je suis parano. T'as changé de vie, t'as changé de numéro. Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre. Ton parfum sur les drames ne cesse de me faire voyager. Autour de moi les gens disent que t'as déménagé. Et j'ai ouvert les yeux quand les tiens se sont fermés. À l'autre bout du monde et je te retrouverai. Tu peux me fuir moi, oui, tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver. Je viendrai te chercher jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, à Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom, Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, à Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. T'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver. Et tu m'en veux à mort. T'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Porto Rico, Porto Rico, je te serai fidèle comme ton nom. Jusqu'à Porto Rico. Le nouveau Ritza sur Fun Radio Porto Rico. 20h, 22h. 0 à 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio. Vous êtes peut-être dans la chambre là tranquillement le dimanche soir, voilà, à bosser les cours au dernier moment. Il y en a qui font ça aussi, hein, qui attendent le dimanche soir pour commencer à réviser un petit peu. Bon courage à vous. Il y en a qui font l'amour en nous écoutant aussi le soir. On reçoit parfois des petits messages de couples qui nous écoutent et même qui matent le streaming. Ça, c'est limite flippant, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce qu'on est, on est filmé tous les soirs, funradio.fr. Dans l'émission, tous les soirs à 21h, on fait un défi. C'est le défi, fallait pas demander. On se réécoute le dimanche soir, le meilleur de la semaine. Et là, celui-là, il est vraiment fantastique. C'était au 13 ans des Sables d'Olonne qui a appelé son papa, Yanis, et qui lui a demandé la fameuse question: papa, est-ce que si la capote craque, la fille peut tomber enceinte? Écoutez, c'est mythique. Allô? Oui, papa? Oui, en fait, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que si la capote craque, la fille peut tomber enceinte? C'est-à-dire? Non. C'est parce qu'en fait, ma copine, elle est enceinte. Quoi? Ma copine, elle est enceinte et je vais être papa. Je suis avec elle, là. Tu veux, je te la passe? Oui. Non, je te la passe. Allô, beau papa? Oui, bon papa, oui. Ça y est, vous avez annoncé la bonne nouvelle? Oui, enfin une bonne nouvelle, il m'a annoncé la nouvelle. Bah moi je lui ai dit seulement maintenant parce que je voulais attendre. Bah en fait ça fait 3 mois et demi, mais je voulais être sûr qu'il refuse pas, alors je lui ai dit seulement à l'heure après les cours. Oui, parce que moi je suis super contente, toute ma famille est contente, ça faisait longtemps qu'on attendait. Non, moi non, j'ai... Mais vous en faites pas, on vous sondera pour le prénom. Hein. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui. Bah félicitations. Non, oui, enfin je sais pas, vous avez l'air d'être content, mais pas moi. Ah bah écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle, un enfant. Non, c'est pas une bonne nouvelle, non, je suis désolé. Oh là là, c'est quoi, rabat-joie. C'est quoi ce délire? Je vous invite. Alors par contre, ce qu'il va falloir faire, parce que j'ai vu ça. Je te parle. Ce qu'il va falloir faire, je suis en train de te parler, donc tu me respectes. Ouais. Ce qu'il va falloir faire, c'est que, attention, parce que là, c'est ma fille, donc moi, il va me falloir un peu d'argent, hein, parce que on va pas subvenir aux besoins je vois le coup venir. Ben moi aussi, je le vois le coup venir. Ta fille, elle va te le garder, le mioche, puis après, c'est tout. C'est Théo, le papa? Mais Théo, il va falloir le prouver. Quand on a une zigounette, il faut savoir... Ta fille, est-ce qu'elle avait couché vraiment avec lui? Ça se trouve, elle tape tout le monde. Dis donc, hors de question. Dis donc, comment tu parles de ma fille, hein? Ma fille n'est pas une traînée, hein? On se demande. Et ton fils qui trempe son spaghetti à droite à gauche. Il a bien raison, lui, par contre. Hein? Bon, alors surtout moi, quand il y a des filles qui sont ouvertes comme la tienne. Yaya, et elle le prend pas comme ça, Yaya. Tu me parles pas comme ça. Yaya, je vais te passer ton fils. Je te passe ton champion. Vérole. Yaya. Ça fait quoi d'être grand-père? Mais tu te fous de moi, toi, grand-père? Mais j'en ai rien à foutre d'être grand-père. Toi, tu vas voir. Rentre à la maison ce soir, tu vas voir. Je vais te démonter. Sans déconner, mais merde. Je la connais pas, mais ça a l'air d'être une chose de la. Tu parles pas comme cette meuf, c'est de mon beau-père. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est mon gars, non? Mais non, tu leur parles pas comme ça. Mais je vais leur parler comme je veux. Attends. Non. Grand n'importe quoi, toi. On va prendre du champagne, on va boire un coup. T'as 13 ans, tu bois pas d'alcool. Théo, viens, je vais te faire boire un verre cul sec là. Hein? Allez, champagne. Tu rentres à la maison. Hop, on va fêter ça. T'es où? Il est là le papa. Non, mais t'es où? Yaya. Théo, il est. Mais vous êtes où? J'arrive. Yaya, je suis avec ton fils là. On va fêter ça avec toute la famille. Toute la famille est contente, là. Attendez, Jackie, arrête un peu là de chanter, là t'es bourré encore. Jackie. Ah bon, j'ai vomi. Yaya. Vous êtes où là? J'arrive. Bah on est chez moi, dans mon domicile. Mais où là? Parce que là j'arrive. Là? Ah bah alors je vais te donner l'adresse. Tu notes? Oui. D'accord. T'inquiète pas, j'ai de la mémoire. Vas-y. C'est 20 rue Beyer. Beyer. Ah c'est dans le. Non, c'est où ça? 20 rue Beyer. Dans la rue Beyer. Non, Bayer. Bayer. Non, okay. Bayer. Tu te fous de ma gueule en plus. Un peu. Hein? Nom de Dieu. T'es où? T'es où? Passe-moi mon gars. Passe-moi mon gars. T'es en direct sur Fun Radio. Hein? T'es en direct sur Fun Radio, Yanis. Oh. C'était le défi, fallait pas demander. Oh, ah, j'en pleure de rire. Et je ne suis pas une traînée. Yanis, qui vient de se faire piéger par son papa en direct sur Fun Radio. C'était le défi, fallait pas demander. Le but du jeu, c'était de te poser une question qui allait t'énerver. Et elle t'a énervé. La question à la base, c'était est-ce que si la capote craque, la fille peut tomber enceinte? Et après, c'est parti en cacahuète. Une chose est sûre, grâce à toi, Yanis, c'est ton fils qui repart avec le jeu FIFA 17. Bravo, bravo Théo. Merci. Merci. Bon, mais t'as de la chance. Parce que Yanis, il était dans un état. Bah ouais, en même temps, le pauvre. Ah non, mais. Oh là là. T'imagines la pression, t'apprends que ton fils, il a 13 ans, il va avoir un bébé. Et puis la famille de dingue. Et la famille. N'importe quoi. La famille de psychopathes. Théo, ça a été magique. Et alors, ton papa, il est fantastique. Grave. Hein. Qu'est-ce qu'on. Il a bien raison de tremper sa nouille partout. Oui, oui, bah oui. Yanis, tu nous en veux pas, hein, j'espère, Yanis. Non, mais bon, le cœur a quand même bien palpité. C'est le but, c'est le but. Théo, fais un gros bisou à ton père. Merci, bisous. Ouais, ben on va en reparler un petit peu. Vous allez pouvoir faire des parties de FIFA 17 là bientôt là. Ouais, ben tous les deux. À la maison, on deux trois choses de la vie. Ouais, non mais t'inquiète. Ouais, il s'amuse là, Théo. C'est pour déconner, ouais. T'inquiète. Hein. Ouais, non, mais il y a pas de. On va quand même envoyer les capotes, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça va pas tarder. Ouais, ouais. Yanis, Théo, fait un gros bisou et bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Salut Yanis, salut Théo. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Love in Fun sur Fun Radio 01 42 48 5000. On va accueillir Fanny. Elle a 22 ans, elle est grenobloise. Bonsoir Fanny. Salut. Ah, salut Fanny. Là, elle nous raccroche à la gueule, tu sais. Non, je suis là. J'ai eu un problème de téléphone. Bah, c'est pas grave. Fanny, t'es bourrée? Non, du tout. Oh, dommage. T'as même pas bu pendant le week-end? Mais non. Bravo Fanny. Ou pas d'ailleurs. Il y en a qui sont bien burgés la gueule ce week-end. Qu'est-ce que t'as bu cet après-midi? Une bonne bière, Doc. Oui, j'avais vu. Oui. Ah oui, pourquoi? Pas qu'une. Bah, ça va. Il te fait une réputation. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il a perdu. En attendant, vu ta gueule, j'ai plutôt bien visé. Pas cassé. Fanny. Pas cassé du tout. Fanny. Il va me casser la gueule. Je vous tendais. Les autres avancent. Fanny, tu nous appelles pourquoi, Fanny? Ben, je vous appelle parce que j'ai pour projet de faire des caméras un peu sexy. Ouais. Mais j'ai un mec. Pas de problème. D'accord, et ça se fait de plus en plus. Il y en a beaucoup qui gagnent de l'argent avec ça. On va en parler, les cams sexy avec la multiplication des sites voilà, qui proposent ça. On est chez soi tranquille et on monte ses boobs. Ou pas d'ailleurs, hein. Venez nous raconter ce que vous en pensez. Est-ce que c'est dangereux? Dites-nous. Et on écoutera Feder avec Lord Lee sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook. La page Loving Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Allô? Jeu de la vérité, bienvenue. Quelle est la chose la plus étrange avec laquelle vous vous soyez donné du plaisir sexuel? Je ne me rappelle plus. Mensonge. Une aubergine. Bien, nous rappelons qu'il faut prendre 5 fruits et légumes par jour. Ah mais je le fais moi. Mais pas par le bon endroit par contre. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bonjour, c'est Bruno Guillon. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Cette année, 14 radios se mobilisent à leur côté. Avec RTL, RTL2 et Fun Radio, soutenons leur combat. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus préappel. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them, don't go. We love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. Alex Ayono sur Fun Radio. 20h, 22h. 0 à 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Une émission connectée. On est partout, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook, la page Love in Fun, le Twitter, hashtag Love in Fun pour qu'on voit vos messages. Et le Snapchat pour nous ajouter. C'est Love in Fun Radio. Love in Fun Radio, tout attaché. Et une nouvelle story tous les jours à mater. N'hésitez pas. On lit vos messages aussi à l'antenne que vous envoyez avec Alice. On a reçu un message de Morgane qui nous dit: je viens de créer un compte Instagram. Est-ce que vous avez des comptes perso sur lesquels je peux vous suivre? Ouais, moi j'en ai un, Karel Fun Radio. Toi aussi t'en as un, Alice? Ouais, Alice _ Fun Radio. T'es où, Doc, toi? T'es pas sur Instagram? Je sais hein. pas. T'es sur Twitter? Je sais pas, je suis là. Si, si, Doc, il est sur Twitter aussi, Doc Fun Radio. Ouais, oui, c'est ça, oui. On a tous des comptes, on va vous les mettre hein, directement sur le Facebook ou le Twitter. Ouais. Et un autre message de Léa, pas trop de bleu à la suite de votre session paintball. D'ailleurs, pourquoi notre peau devient bleue quand on a mal? Bah parce que ça fait un hématome, tout simplement. Ah bah, Doc, demain, ce sera un schtroumpf. Ça fait un petit hématome à chaque fois. Pardon. Non, moi tout va bien. Eh mais moi j'ai tellement hâte de voir cette vidéo qu'on va vous poster là bientôt sur ce paintball qu'on a fait cet après-midi. On va accueillir Fanny, 22 ans de Grenoble. Bonsoir Fanny. Hello. Salut Fanny. Salut. Salut Fanny, qu'est-ce qui t'amène ce soir? Bah écoutez, ça fait un petit moment que j'y pense et en fait j'ai envie de faire des caméras sexy sur internet. Oui. Ok. Bravo. Mais le souci c'est que j'ai un mec et que je veux pas, absolument pas qu'il le sache quoi. Qu'est-ce que t'entends par caméra sexy? Ça veut dire t'inscrire sur un... Bah, me un petit peu, va sur un site, gagner un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'il te demande? Pardon? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il me demande? Bah, soit de me dénuder à moitié, soit de me dénuder entièrement. C'est moi qui choisis, en fait. Il n'y a vraiment pas de règles. Ouais. Et donc, après, tu te retrouves... À poil. À poil, mais surtout, l'image va être diffusée autant de fois que nécessaire, sans que tu puisses t'y opposer. Voilà. L'image ne t'appartient plus. Ouais. T'es d'accord? À partir du moment où je la mets sur Internet, ça ne m'appartient plus. Ouais. Donc il y a quand même un petit danger, là. Ça, tu le sais, parce que déjà, quand on fait des... C'est ça que je voulais aussi demander, est-ce qu'il y a des dangers par rapport à moi? À ton avis, attends, mais voilà, si ton mec le découvre, en plus, on n'a pas aimé du tout. Fanny, c'est même sûr qu'il va le découvrir. Enfin, je veux dire, faut pas croire, enfin, hein, il y en a c'est plein. Pas, c'est pas devant lui dire, dis, tiens, j'ai vu ta copine, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que les potes, ils vont se masturber sur toi, tu vois, c'est... Et attends, t'as regardé combien ça gagnait en plus? À mon avis, ça va être une misère, mais enfin bon. Bah, c'est pas grand-chose, mais c'est surtout pour finir les fins de mois, quoi. Ah, je me fais des mois à 2000, doc, moi. C'est pour... Attends. Vrai, ouais. C'est pour finir les fins de mois ou parce que le côté exhibe t'excite un peu? Il y a les deux. Ouais, c'est ça. D'accord. T'as envie de t'exhiber, ça, tu sais qu'il y a des mecs qui vont effectivement regarder, avoir des excitations, voire se masturber en voyant ton image. Bah, ça, c'est un truc qui me fait un petit peu kiffer, je dois avouer. Ouais, Rémi, notre auditeur du soir, est-ce que tu vas parfois... bon, je sais que tes parents écoutent, là, mais on s'en fout. Si, t'inquiète. Est-ce que tu vas parfois sur des sites porno comme ça, sur l'ordinateur de papa ou sur ta tablette qu'on t'avait offerte? Non. Non, d'accord, ok, donc t'y vas. Et est-ce que t'as déjà été maté comme ça des shows en live sur... Non, franchement, non, pas ça. Par contre, je pense... En vrai, ce genre de truc, c'est pas forcément le truc à faire parce que après, surtout quand on est en couple et tout, parce que les photos, enfin, toutes les vidéos comme ça peuvent être retrouvées et balancées. Franchement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Ou alors, faut pas montrer son visage, tu vois. Ouais, c'est pas con ça. La différence avec le porno, c'est que tu vois pas le sexe, tu vois pas le vagin, tu vois pas. Tu vois ah, mais si, Doc. Ah, si, tout. Ah, bah, si Fanny, elle décide de montrer. Il y a pas d'activité sexuelle. Bah, elle peut se masturber, se mettre. Attends. Il y en a qui font des cams sexy avec leur mec aussi. Oui, tu vois, des cams sexy, et on demande éventuellement d'un cam sexy, c'est mieux payé si tu te masturbes. Je pense que de toute façon, en fait, c'est pas ça que ça fonctionne, Fanny. Enfin, c'est un ami à moi qui m'en a parlé. Alors, a priori. Ça, c'est Karel qui a regardé lui-même. Enfin, mais bon, je sais à peu près comment ça marche. Et en fait, grosso modo, il demande une certaine somme d'argent. À partir d'une certaine somme d'argent, il faut un truc en particulier. Genre, au début, ils vont se déshabiller, ils vont enlever, un vêtement. Et puis après, s'il y a un peu plus d'argent, ils vont se masturber ou, enfin, tu vois, etc., etc., quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle gagne un petit peu d'argent. Sauf que l'image, elle peut passer en boucle après. Ouais. Et surtout, surtout en France, enfin, je sais pas si tu vas aller, généralement c'est des nanas des pays de l'Est ou du côté de la Thaïlande qui font ça, tu vois. C'est, Le site, il est où? Hein, mais il y en a plein. Non, mais ils sont où? Ils sont pas en Europe? Je pense pas, non. Ça, sur la plupart des sites, ils sont hébergés dans d'autres pays. Non, mais ça veut dire que même si vous déposez plainte, ils sont un peu partout, ils sont émis dans des pays où il n'y a pas de loi, ou pratiquement pas, donc vous êtes sûr que vous ne pourrez jamais l'enlever. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui ont déjà fait ça, n'hésitez pas, hein. 01 42 48 5000. Il va y avoir des réactions là dans un instant. Fanny, c'est vraiment pas le bon plan. Après, je peux comprendre que elle a pas du gain, quoi. Tu vois, tu te fais un petit peu d'argent. Mais non, mais c'est parce qu'elle est exhibe, c'est tout. T'as besoin, il y a le côté argent, il y a le côté exhibe. Alors, t'as un pote, c'est comment sexuellement avec ton copain? Bah, c'est nickel. Il y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux de plus alors sexuellement? Bah, c'est pas ça, mais c'est comme tu dis, le côté exhibe, ça me plaît que des inconnus puissent me voir. D'accord, ouais, bah forcément. Oh putain, ça doit être chelou, quoi, d'imaginer qu'il y a des mecs limite des malades, quoi, qui doivent te regarder et tout. On a Benoît, 23 ans, de Grenoble, qui veut réagir. Salut Benoît. Salut Benoît. Salut. Salut Benoît, salut. Bienvenue dans la Vie Fun. Benoît, tu regardes ces sites, toi, parfois? Non, pas depuis qu'il s'est passé que ma sœur a été embêtée, en fait. Ok, donc, vas-y, raconte-nous ton histoire. Ma sœur était sur un site libre d'exhibe que beaucoup de personnes connaissent. Et elle a été reconnue par un collègue de lycée qui en fait a développé l'image et l'a affichée partout dans son bahut, en fait. D'accord. Et une fois que le bahut a su partout, évidemment, les responsables, les enseignants, le proviseur, je ne sais pas, a réagi. Ouais, ils ont imprimé l'image, ils l'ont mis carrément sur le site du lycée, quoi. Donc c'est ça, c'est du harcèlement. Et comment elle a réagi, ta sœur? Très très mal. Ah bah, okay. Tu m'étonnes. Et comment ça s'est arrêté? Par la justice, en fait. On avait porté plainte. Ouais, auprès du site, c'est ça, pour qu'il retire les vidéos, les trucs comme ça, les... Non, parce qu'en fait, c'est un chat webcam, en fait. C'est, d'accord. Je peux pas donner le nom, je pense. Donc, ouais, non, on s'en fout, de toute façon. Ouais, d'accord. Donc voilà, et en fait, ça a été repris par quelqu'un qui avait un site, un logiciel, pardon, pour enregistrer. Ouais, d'accord. Et ouais. Donc du coup, voilà. Bien sûr. Depuis, dans les buts, on a mis ça sur le site du lycée. Et puis, ça, c'est... Elle a expliqué, ta sœur, ce qui l'avait motivée à le faire, parce qu'elle a quand même été volontaire, même si elle est mineure, qu'elle n'est pas... conscience de ce qu'elle faisait. Elle a expliqué pourquoi elle avait fait ça. Mais c'est à peu près les mêmes raisons que pour... Exim. C'est pour Fanny, voilà. Hein, bien sûr. Un peu d'argent, exhibition. Ouais, c'est ça. Après, t'as vu, il n'y a même pas de vérification. Elle était mineure, elle pouvait le faire. Quoi. Je veux dire, c'est poser des questions. Ils n'ont pas de moralité, enfin, ils s'en foutent. Non, non, c'était vraiment un site très libre. Il y a juste besoin de se connecter. Il n'y a même pas besoin de rentrer de pseudo, ni d'âge, ni... Donc, il rien, peut, à la limite, y avoir des enfants, s'ils sont un peu perturbés, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, ils le font. Eh bien, le plus grave, c'est qu'en vérifiant ça pour aller à la gendarmerie, on est allé sur ce fameux site et effectivement, il y a des enfants. Mais oui. Donc, mais bien sûr, qui alimentent les sites pédophiles. Les sites pédophiles, c'est étonnant de voir comment, encore à l'heure actuelle, la pédophilie est traitée avec, moi je trouve en tout cas, beaucoup de désinvolture et les pédophiles ont encore de bons jours devant eux parce que je trouve qu'on les laisse faire. Voilà. Ouais, c'est des malades les mecs. Ils sont des c'est des malades, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont... détruit à jamais à cause de ça. Bah bien sûr, c'est pour ça faut se méfier vraiment. C'est pas très sain tout ça, Fanny. On peut pas te le conseiller clairement pas quoi. Pas de me conseiller ou de c'est juste me dire ce que vous en pensez. Bah vous, on pense que c'est pas un bon plan. Écoute, non mais attends, tu peux aussi, je sais pas moi, il y a d'autres façons de se montrer, d'exister dans la vie. T'es pas obligé uniquement de te foutre à poil, de te masturber. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que t'as besoin d'être reconnu. Besoin qu'il y ait des gens qui reconnaissent des qualités que tu as. Alors, si tu fais du sport, des choses comme ça, tu peux même aller danser. Des tas de choses comme ça. Effectivement, tu vas te remarquer, mais tu vas garder ta dignité. Là, tu la perds. Okay. C'est clair que tu la perds. Ah ouais, Fanny. Hein. Ah bah ouais. Garde ta dignité, ma chérie. Hein. Fanny, on te fait des gros bisous, en tout cas. Et moi aussi, je vous embrasse. Voilà, réfléchis bien à tout ça. Et dis-toi bien une chose, à partir du moment où tu le feras, ton mec sera au courant. Ça, c'est sûr. D'accord? Et pas que ton mec. Les gens autour de toi. Peut-être ta famille, etc. Ouais. Et après, bah, tu vas regretter. C'est le début des emmerdes, quoi. Pour gagner 50 euros, je sais pas si c'est le bon plan. Salut, ma Fanny. Ok, salut. Bisous. Et merci beaucoup à Benoît qui nous a raconté l'histoire avec sa sœur. Elle va mieux, ta frangine, là, maintenant? Elle va mieux. Enfin, elle y pense toujours un peu de temps en temps. Elle a toujours quelques réflexions, mais bon, c'est... Elle a été vue par un psychiatre, accompagnée par une psychologue? Par un psychologue de son lycée. Après, elle a été redirigée vers... parce qu'elle a quitté le lycée. Extrêmement grave ce que tu décris. Elle en a vachement souffert, je te le conseille pas, Fanny. Après, tu fais comme tu veux, mais... Bien sûr. Merci Benoît, et tu lui feras un bisou de notre part à ta soeur. D'accord, Benoît. Salut à toi, tu rajoutes. Il y a moyen de rater un petit pack fun. Ouais, on va t'envoyer le pack Love in Fun. C'est encore mieux que le pack fun, tu verras. Ah nickel, merci beaucoup. Il y a des capotes à l'intérieur. Allez, bonne soirée à tous. Salut Benoît, bonne soirée à toi aussi. Le chiffre d'Alice, dans un instant. On parle de quoi ce soir dans ton chiffre, Alice? On va parler des trucs rédhibitoires qui peuvent nous bloquer pour aller plus loin avec quelqu'un. Ah ouais, un mec trop macho, une fille trop jalouse, un fan de foot. Ça peut même être physique. Genre pendant l'acte et tout. Des trucs qui nous bloquent chez quelqu'un qui fait ah ouais non c'est mort avec lui, je pourrais pas aller plus loin. Ok, dites-nous. Ou elle. 01 42 48 5000. Voici Mike Perry, The Ocean sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. It's for you to stay a little longer now, with arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough, diving deep into your ocean. Place that I've never been. Now I can't. Mike Perry, The Ocean sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice. Le chiffre d'Alice. Dans Loving Fun sur Fun Radio. Il est là, tout chaud, tout beau. Le chiffre d'Alice ce soir sur Fun Radio. Un nouveau chiffre. On parle de quoi, Alice? Une fille sur deux ne pourrait pas sortir avec un mec. Qui... À ton avis, un mec? Je sais pas, qui se lave pas? Oui, bon, ça, je me doute. Avec un mec plus petit qu'elle. Ah et ouais? Bim, 50% refuse. Ah putain, c'est fait. Mais 50% qui accepte. Voilà, et 50% qui accepte. Du coup. À moitié plein, à moitié vide. Hein. On parle des choses rédhibitoires. Ouais, les petits trucs qui vont nous bloquer. Avant d'aller plus loin avec quelqu'un, genre la première rencontre et tout. Ouais. Ah bah non, en fait, ça va pas être possible. Exactement. Et parfois, on s'en rend compte en discutant avec la personne. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, ce qui vous a bloqué parfois avec quelqu'un, un mec, une nana. 01 42 48 5000. Il y a déjà Émilie qui est là avec nous. Bonsoir, Émilie. Salut, Émilie. T'as 29 ans et tu es de Lille. Exactement. D'accord, Émilie. Il y a des petites choses rédhibitoires, toi, chez un mec, ça va pas être possible. J'en ai plein, j'ai une petite liste. Ah, la liste d'Emilie, c'est parti. Alors, grande liste, hein. Moi, c'est une liste de professionnels. Hein. D'accord, parle bien dans le téléphone, hein, ma chérie. Ah ouais, attendez. Alors, moi, ce que j'aime pas du tout, déjà, c'est quelqu'un qui pue de la gueule. Alors, qui pue de la gueule, d'accord. Ah, ouais, 50 à 60% de mecs en moins, ensuite. Rémi, notre auditeur du soir, tu es exclu. Après. Ensuite. Après, le mec a un petit sexe. Ça, c'est un truc vraiment, tu peux pas. Ça fait 80% des mecs. Godefroy, à la réa, tu es exclu. Et en plus, le pire, c'est que comme je suis grande, et ben, les petits mecs, c'est pas pour moi non plus. Bon, ben, il reste plus grand chose. Hein. Ah, ben, sans déconner. Non, mais il faut des hommes de au moins 2 mètres parce que je suis 1m87. Donc, ouais. Ah non, tu fais 1m87. Ouais. Ça veut dire exactement. Ça veut dire, moi, genre, je fais 1m80, c'est mort, quoi. 1m80, t'es bon, t'auras peut-être ta chance. T'auras peut-être ta chance. Ouais, 1,80, j'ai déjà eu. T'as déjà eu. Ah, mais t'as 1,87, sans déconner. Et... Ouais, 1,87, ouais. Et j'ai quand même des talons. Hein. Bah ouais, mais t'as raison. Tu es une femme, reste une femme. Il y a plein de trucs comme ça que j'aime pas. Et c'est des trucs vraiment qui sont très dangereux. Est-ce que t'as un mec, justement? Ouais, c'est ça. Bah, je viens de me séparer, donc non, j'en ai plus. Ah, d'accord. Il mesurait combien, celui qui t'a quitté? Il faisait 1,82, 83. Ouais. Ah, petit toi, donc déjà. Ouais, mais plus petit que moi, mais au lit, ça se voit pas. Mais pendant qu'il avait un sexe comment pour toi? Bah moi minimum c'est au moins 15 17, un peu. Mais genre pas, tu les mesures avant de commencer une relation? Je non, peux je mesurer. Le mesure pas, mais je le sens dans le pantalon au moins. Ah oui, d'accord. On va pas m'arnaquer, moi. Ah ouais, d'accord. On m'arnaque pas sur ta tub. C'est comme dans le film, c'est comme dans le film où elle palpe le matos avant. C'est ça, c'est ça. Bien sûr, moi je palpe. Ah oui, je palpe tout, moi, jusqu'au fait. Ah d'accord. Eh ben Émilie, on est ravis de te connaître. Ce serait cool que tu passes un jour à la radio. Bah, écoute, que tu viens assister à l'émission. Vérifie Kassim. Ah ouais. Mais non. Si tu pouvais tous nous palper. Non, pas moi. Ah pas bah, je vais palper, mais celui qui est le plus gros, ben voilà. Ah. Ce sera le grand gagnant. Voilà. Eh ben, écoute. La roulette russe. Et Émilie, tu es la bienvenue quand tu veux. Reste avec nous, il y a Alison aussi qui est là. Je vous remercie. Tu bouges pas, Émilie. Alison, ouais, 19 merci. Ans, de Laval. Bonsoir, Alison. Salut. Salut, Alison. Salut tout le monde. Pour toi aussi, le paquet du mec, c'est important ou pas, Alison? Ça dépend. Ah oui. C'est quoi, toi, les trucs rédhibitoires chez un mec? Ça va pas être possible. Ah bah, moi, déjà, primo, c'est qu'il ait les dents dégueulasses, jaunes de travers. Ça, déjà, c'est mort. Ok, donc. Le sourire, les dents et tout, quoi d'autre? Voilà. Bon, le fait que tu sois plus petit que moi, ça risque pas d'arriver parce que je suis pas bien grande, donc ça n'est pas trop de à me faire là-dessus. D'accord, ok. Oui. Mais ça peut arriver quand même, enfin bon. Bah, c'est très rare, un garçon qui fait moins d'1m54, excuse-moi. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Bah, c'est super mignon, 1m54, moi j'adore les petites. Vas-y, continue, Alison. Voilà. Petite quoi? Bah, le rage, enfin, j'aime pas les mecs plus petits que moi, c'est un truc tout con, hein. Genre, il va être né le lendemain de moi, la même année, c'est mort, c'est pas la peine, quoi. Ah ouais, putain, sans déconner. Pour toi, l'âge, c'est important. Non, voilà. Tu peux pas sortir avec un mec plus jeune. Mais moi, s'il est de mon année, c'est mort. Enfin, moi, s'il est de la même année que moi, c'est mort. Faut moi qu'il ait un an plus que moi. D'accord. Enfin, voilà. Tu sais, attends, tu sais pas au début. Bah non. Et les vêtements, alors? Les vêtements? Le style vestimentaire, c'est la base. Enfin, quand on s'habille minimum classe, faut au moins avoir un mec classe. Enfin, ça veut dire quoi, s'habiller classe pour toi? Bah, classe, je sais pas, moi, des talons, un bon. Enfin, pour une fille, un pantalon normal. Oui. Chez un garçon, ce serait plus, je sais pas, moi, un pantalon chino, des chaussures de ville, une chemise ou un t-shirt plutôt joli. Enfin, parfait. Je veux dire, je veux pas un mec. Je sais pas moi, en jogo ou avec carré. Des pulls tous les 4 matins, quoi, tu vois. Mais si le mec a un t-shirt leçon dance floor, qu'est-ce que t'en penses, Fun Radio? Ah bah ça, je m'en fous. Ah bah voilà, tu vois, y a pas de problème. Oui, mais c'est une exception. Vous avez la classe si vous avez le t-shirt de Fun Radio, le son Dance Floor. Voilà, c'est ça. Après, il y a d'autres facteurs, genre la pilosité, le niveau d'études. Hein, c'est un truc tout con, mais niveau d'études, enfin. Oh, dis donc, mais c'est incroyable, Alison. C'est quoi le minimum? Ah putain, faut être. Bah, moi, personnellement, je suis en études bac plus 2. Ouais, donc il faut être bac plus 2 minimum. Voilà, c'est ça. Il y a quelques-uns qui vont être virés, là. Ah bah, moi, je passe pas, moi, perso. Toi, Doc, bah non, mais t'es... j'ai pas trop de problèmes, là, où je suis. Ils sont tous à la fac ou en école d'ingénieur. D'accord, mais alors, moi, tu sais quoi, je vais te dire, je trouve que te mettre toutes ces petites limites, là, comme ça, c'est pas bien, quoi, parce que tu passes peut-être à côté de mecs qui n'ont peut-être pas fait des études, mais qui sont des gens formidables, quoi, tu vois, avec qui tu pourrais bah, vivre le mais bonheur. C'est quoi les qualités d'un mec, pour toi? Des qualités. Ah, les qualités, qu'il soit câlin, attentionné, fidèle. Et intelligent. Mais t'imagines, il peut être, tout ça. Bac, on dirait un chien, tu sais. Quel infidèle, c'est un chien. Et attends, loyal. Il peut être tout ça, il peut être tout ça. Bac plus 1, tu le rates. Ah bah c'est pas grave, mais enfin, je veux dire, bac plus 1 ou pas, je m'en fous un peu, quoi. Oui, mais elle décrivait son idéal. Genre, voilà. Ouais, ouais, non, mais... par exemple, un mec qui a pas de diplôme, bah, écoute, chérie, je suis en bac plus 2, enfin. Oh, t'es dur. Ah, t'es dur, parce que c'est pas parce que t'as pas de diplôme que t'es con, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a même qui n'ont pas de diplôme et qui arrivent à créer de véritables fortunes en France. Enfin, voilà, ouais. Ça veut rien dire, quoi. Oui, enfin, dans l'époque actuelle, des garçons de mon âge qui n'ont pas de diplôme, excuse-moi, il galère un petit peu dans la vie. Alison, c'est madame vérité. Excuse-moi de te le dire. Mais mec, il y a pas d'études. Comment il va me payer ma belle voiture, hein? Ça m'appelle une histoire extrêmement, extrêmement ancienne, extrêmement ancienne. Mais c'est le créateur d'Hergé, ouais. De Tintin. Tintin, d'accord. Au début, il travaillait comme petit gratte-papier. Bien sûr. Il devait se marier avec une fille. Le père a dit oh, attendez, ma fille, elle va pas se marier avec un gratte-papier. Ah ouais, d'accord. Il a tout fait pour tuer le mariage. Ouais. Et ben la fille, après, quand elle était travaillée, elle a vu demander des autographes. Ah putain. Elle est quand même une super star. Elle a acheté comme une merde. Et ouais. C'est une belle histoire pour toi, Alison, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, justement, je pense qu'il faut pas se bloquer, voilà, comme ça, quoi. Surtout, faut rencontrer la personne. Oui, les qualités humaines. Après, il y a moyen d'aller en travers, quoi, mais. Donc, tu pas, hey, quoi. Mais okay. Attends, tu dis ça, puis un jour tu tombes sur un mec sympa, attentionné, bien sûr. Amoureux, voilà. Et là, tous ces détails partent en fumée. Oh, exact. Kevin, t'es là, salut Kevin. Salut Doc, salut l'équipe, la Franche-Comté à Besançon, Kevin. C'est quoi toi le truc qui peut te bloquer avant d'aller plus loin avec une fille? Un truc, je supporte pas, la fille elle peut être superbe et tout ça, mais quand elle ouvre la bouche, elle parle wesh wesh, c'est mort. Ah, les filles qui parlent wesh wesh. Ah, c'est-à-dire c'est quoi wesh wesh? C'est quoi? Voilà quoi, c'est horrible, une meuf qui parle, je sais pas comment expliquer, donc, mais qui parle... Vas-y, parle comme elle, parle comme elle, vas-y. Vas-y, genre... Ouais, je sais pas comment expliquer. Bah si, mais quand tu vois, frère, ça va tranquille la bête, ouais, voilà, des trucs comme ça. Ouais, il y a des filles comme ça, mais c'est pas très féminin en fait, c'est juste ça. Bah ouais, c'est. Non, mais il y en a, ils sont belles, et quand tu les entends parler, tu dis, c'est pas possible. Mais c'est une bonne réflexion. Les filles. C'est un truc que je supporte pas. Les filles ne copiaient pas les garçons pour leur ressembler, voilà. Mais parfois elles sont obligées, hein, Doc, hein, dans certaines cités et tout. C'est chiant, mais c'est pas normal. Donc tu veux dire que les garçons parlent comme des wesh wesh? Non, elles vont parler comme ça parce que c'est en général les cadors, tu vois. Genre, moi je suis le chef de la bande, je parle wesh wesh, et qu'en fait elles le font un peu par mimétisme. Voilà. Eh mais moi j'ai vu des bastons sur YouTube entre meufs, mais c'est. Ah bah ouais, ça y va. Hein. Elles sont, mais ne pire que les mecs. Ne pas comme des mecs, voilà, exactement. Sans déconner. Bah, c'est pas se comporter comme des mecs selon moi. Enfin, je vois pas le rapport. Ah. Si, c'est une histoire de mecs, ça, souvent. Ok, d'accord. Non mais vas-y Alice, continue le fond de ta pensée. La féministe ce soir. Non mais c'est vrai, Alice, la féministe. Je vois pas pourquoi agir comme ça signifierait faire du mimétisme auprès des garçons, quoi, finalement. On reste des humains et je pense que ça vient du fond du cœur. C'est comme ça qu'on parle comme ça. Pas parce qu'un mec va parler comme ça, mais parce qu'on en a envie et que c'est tout. Oui, je pense qu'il y a aussi. Si j'ai envie de dire bâtard, c'est pas parce que Kevin m'a inspiré. Bâtard. Qu'est-ce que tu veux dire, Kevin? Vas-y. Non, Alice, elle dit ça, mais elle se voit présenter, je sais pas, ses parents, un mec qui parle comme ça. Bah non, mais c'est pas pour autant que je pensais qu'il a été influencé d'un autre mec ou quoi que ce soit. Je pense pas que, enfin, je pense que les mecs, vous avez l'impression de nous influencer plus que certaines fois, plus oui. que dans la réalité. Certaines alors qu'on fois, oui. prête beaucoup moins importance à vous que ça finalement. Ça dépend. Ça dépend des endroits. Le débat ce soir dans la Vinfun. On je va aussi accueillir. La plupart oui, mais dans certains endroits non. On va accueillir Lauriane. Lauriane, 23 ans d'ex. Salut Lauriane. Salut. Salut tout le monde. Ouais, ça va, tranquille. Ouais. Ça va, ça va. Ça va, tranquille. Lauriane, est-ce qu'il y a des choses, toi, un peu rédhibitoires avec un mec, quoi? Ça va pas être possible. Bah oui, déjà, s'il est trop poilu, moi, ça m'est arrivé une fois. Tu sais pas ce qu'est un vrai Tom? On dirait que ça... Voilà. Un vrai Tom. Ça n'existe pas, ça. Les vrais Tom. Si ça veut rien dire. Moi, je dis, c'est un homme, il sait pile que c'est une tapette ou quoi. Hein. C'est... Moi, je préfère. D'accord, c'est les mecs qui font des liaisons merde... Chez Kassim, il faut une semaine pour les piller. Homme de chèvre. Kassim, il faut une semaine pour les... Parce que tu sais, on a Kassim, notre producteur, Lauriane, et c'est un ours, le mec. Dans le dos, sur les épaules, tu vois, il y en a partout. Donc ça, c'est pas possible. Pour toi, il faut pas qu'il soit poilu, d'accord? Je dis pas qu'il a la barbe, ça va, un peu sur les jambes, je vais pas faire devenir un ver de terre, mais quand même, minimum. D'accord. Et toi, Alice, est-ce qu'il y a quelque chose de rédhibitoire chez un mec? En fait, pas vraiment. C'est seulement une fois vraiment que je connais la personne. Si c'est quelqu'un de trop macho, trop égoïste, trop narcissique, c'est des trucs qui vont peut-être me déranger. Quelqu'un qui va penser, qui va toujours se mettre en avant. Non pas que je veuille être mise en avant, mais je préfère à la limite que notre couple soit mis en avant plutôt que lui, quoi. Rémi, notre auditeur du soir, aura le mot de la fin ce soir. Et c'est quoi, toi, le truc rédhibitoire? Les filles qui fument. Les filles qui fument. Mais parce qu'en plus, il a raison, elle pue de la gueule. Okay, les mecs aussi. On ne dira pas qui fume dans ce studio, bien sûr. Il y en a quelques-uns. Oh, bien sûr, bien sûr. Et ça ne les a pas empêchés de t'éclater la gueule au paintball. Je rappelle, Alice, que j'ai gagné ce combat. C'est vrai. Avec ma brillante équipe. Et que vous étiez un de plus. Vous avez pris une branlée. C'est normal. J'ai dit à l'arbitre de vous faire gagner. Oh là là, c'était pour t'éviter de nous faire chier. Au final, c'est encore pire. Voilà. Je leur ai dit, laissez gagner Doc. Arrêtez de nous faire chier. Restez bien avec nous. Emilie, Alison, Kevin, Lauriane. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'être passé ici. Et dans un instant, on parlera d'un nouveau message qu'on a reçu sur les réseaux sociaux pendant le week-end. C'est quoi ce message, Alice? C'est un message de Jérémy. En fait, son meilleur pote, il est toujours en train de lui faire des crasses. Et là, en fait, ce week-end, il a mis 2 heures pour sortir de chez lui parce qu'il lui avait emballé toute sa voiture dans du scotch. Donc voilà. Des petites crasses qu'on se fait entre potes. Venez nous raconter ce que vous avez déjà fait des petites crasses à vos potes, là. 01 42 48 5000. On va se marrer dans un instant avec toutes vos réactions. On écoutera The Weeknd, les Daft Punk, Starboy sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Anso. Cette semaine, à l'occasion de la Paris Games Week, gagnez votre pack PlayStation. Avec une PS4, le jeu The Last Guardian et vos passes pour le salon. Mais dis donc, Marion, est-ce que ce serait pas l'occasion de venir nous voir pour l'émission qu'on fera jeudi à la Paris Games Week? Comme ça, paf, on est ensemble, on fait des câlins, hashtag gameuse. Tous les soirs, 22h minuit, here we go, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Paris Games Week, le rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France. Du 27 au 31 octobre, porte de Versailles. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Okay. Fun Radio. Le son dance floor. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry. To work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. ain't your mama, no. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun, c'est tous les soirs sur Fun Radio. Merci d'être avec nous. Hein. On est là du dimanche au jeudi pendant 2 heures, 20h, 22h. Ça va, Doc? Très bien. T'as l'air un peu fatigué là. Ah, mais moi je me suis vraiment battu, pas comme toi. Lui c'était un planqué, il était toujours à l'arrière. J'ai pas du tout fait mal. Je l'ai même fait prisonnier dans c'est le dernier combat. C'est pire qu'un mauvais perdant, c'est un mauvais gagnant, Doc. Sans déconner, c'est quelle ça. Horreur. Je l'ai fait prisonnier en dernier combat. Mais non. Alors, je vais réexpliquer pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. On a fait. Tu as expliqué comment t'as perdu. On a fait du paintball à Go Park. Explique bien comment t'as perdu. Hein. C'est dans l'Oise et effectivement, il y avait deux teams et c'est la team du Doc qui a gagné après une énorme tricherie. Enfin voilà, on vous passe les détails. Moi, ce que je vois surtout, ce sont vos hématomes. Ce sont vos petits mais rougeurs c'est normal parce que les qui vous trahissent. Les plus courageux, les plus vaillants. Qui vous trahissent. Avec Godefroy de Montmirail et Guillaume le Conquérant. Je vais commencer par toi, Doc. Catherine la Tsarine, nous avons gagné. Qui a le front totalement rouge parce que tu t'en es pris plein la gueule. Je suis un grand combattant. Tu as mis une écharpe pour ne pas qu'on voit ton impact dans le cou. Hein, Godefroy qui nous a montré son bleu énorme sur l'avant. Bras, n'est-ce pas, Godefroy? Et Godefroy. En fait, je me suis protégé, moi. Et. Ah oui, oui, c'est ça. Et on a bien gagné, Godefroy. Et Guillaume. Ah oui, oui. Guillaume, on a bien gagné. Hein. Tu as été touché où, Guillaume? Alors, j'ai pris pas mal sur les doigts, j'ai des bleus ça, sur les c'est doigts. Moi, ça. Désolé. Et la pire, j'ai pris une vraie balle sur le gland, quoi. Voilà, sur le gland. Mais je rassure tout le monde, tout va bien. J'ai pas de. Oui, mais vous voyez, c'est même pas dangereux. En plus, on s'est éclaté. Si vous voulez gagner des invitations, ça se passe au standard 01 42 48 5000. On me dit qu'il n'y en a plus. Ah, ouais, il y en a plus, hein. Bon, il y en a plus. Et ben voilà. Et ben n'appelez plus. Enfin, si, appelez pour venir sur l'antenne avec nous. Et on accueille d'ailleurs tous ensemble Pierre, 13 ans de Nancy, avec notre auditeur du soir, hein, Rémi, qui est toujours avec nous, qui a passé la journée avec nous. C'est le grand gagnant de la photo du jeu des stickers, hein, qui est là. Pierre, t'as 13 ans, t'es à Nancy. Salut Pierre. Salut Pierre. Ouais, salut les gars, ça va? Ça va bien, Pierre. On t'attendait ce soir, hein, on se demandait quand est-ce que t'allais appeler et tout. Ça y est, t'es merci. Là. T'appelles pourquoi? Bah, je vous avais déjà appelé l'autre jour. Hein. D'accord. Bah, t'appelles quand tu veux. Hein. Et t'avais une autre question à poser? Ouais, en fait, je me disais, vous parlez tout le temps de sextoy pour les meufs, en fait, et puis vous en faites gagner, ouais. Tout simplement. Et puis moi, je me posais la question, est-ce que ça existe, en fait, pour les hommes? Ça ressemble à quoi, en fait? Tu veux que je t'offre ma vaginette? Peut-être pas la tienne. Ah, non, parce qu'elle a beaucoup servi, celle de Karen. Non, alors je vais t'expliquer. Alors, pour la petite histoire, effectivement, ça existe. Et d'ailleurs, je l'ai offerte à quelqu'un qui en avait beaucoup plus besoin que moi. C'est Cassim, le producteur. Bah, grave. Hein? Ouais, mais c'était nul parce que ça vibrait et du coup après ma bite, j'ai l'impression que c'était un vibreur de téléphone. Quoi. Moi, ce que je connais en sextoy, c'est la vaginette. En fait, c'est genre ça simule, c'est censé stimuler un vagin et t'as des petits picots. Genre quand tu te masturbes, tu le mets sur ton sexe, quoi. Tu vois? Ça sent l'expérience. Okay. Non, mais attends, ça va. J'ai essayé une fois, Doc. C'est bon. On m'a offert un truc, je l'ai essayé, quoi. Tu vois? Bah, après, tu vas repasser à Cassim. Ouais, bien sûr. Hein. Et tu vas repasser à qui, Cassim? Non, je l'ai gardé. Mais ouais. Il avait pas nettoyé, alors du coup, je sens le sperme de Karel tous les soirs. Non, mais sans déconner, quoi. Pierre, ouais, ça existe. Je sais pas, Doc, tu utilises quoi, toi, comme sextoy? Non, moi je suis très écolo et je fais l'amour naturellement avec une femme. Il y a des œufs sinon pour les hommes. Ah, t'as vu, Alice est bien au courant. Les masturbateurs, hein. En fait, c'est en forme d'œuf, comme ça, c'est un truc un peu mou. Mais c'est en les silicone. Anneaux vibrants aussi, non? Ouais, il y a aussi les anneaux vibrants, mais là c'est souvent à deux plutôt. Et en fait, les œufs, c'est un truc en silicone avec dedans, c'est nervuré, voilà, c'est assez et sympa, tu mets ça j'imagine. Où et ben, c'est tout simplement, tu te masturbes avec l'œuf. D'accord, mais ça sent l'expérience, chérie. Attends, attends. J'ai pas de tub, mais. Non, mais t'as pu essayer avec ton mec. T'as pu l'essayer avec ton mec. C'est vrai. Et il y a un autre truc aussi, je pensais que c'était l'œuf aussi, genre tu te le mets dans le vagin et il y a ton mec à la télécommande. Oui, mais là du coup, c'est pas lui qui prend du plaisir. Enfin, il peut en prendre aussi parce que c'est toujours marrant d'appuyer sur le bouton, mais. Genre ça marche à distance le truc. Ah ouais. Genre t'es au boulot et tout, tu te dis tiens, je vais donner un petit peu de plaisir à ma nana. Pas à cette distance non plus, mais ça va à quelques mètres quand même, quoi. Ah ouais? Oui, tu peux pas non plus à trois bornes déclencher l'œuf de ta meuf. Comment t'es au courant de tout ça? Eh ben écoute, parce que. C'est pour ça que tu te secoues des fois pendant les émissions. C'est ça, je le remets parce que j'ai peur que vous l'entendiez vibrer sur la chaise. Ah Pierre, tu sais quoi? On va essayer de te gérer une petite vaginette, d'accord? Ouais, tranquille. Tu te masturbes de temps en temps, Pierre? Bah ouais. Eh bah, j'ai été bien rassurée parce qu'une fois, il y avait une question pour un auditeur si on se masturbait trop, en fait, si on pouvait toujours se reproduire, en fait. Et du coup, j'ai trippé un peu. Mais non, il n'y a pas de souci, tu peux te masturber tant que tu veux. Et d'ailleurs, je vais filer une vaginette aussi à Rémi, parce que j'ai bien vu que Rémi levait la main là tout à l'heure, qu'il m'en demandait une. Rémi, bon appétit au fait. Hein. Merci. Tu manges quoi là? Ça y est, t'es comme à la maison là. Ah, c'est ça. Alors, par contre, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Un bobou de poulet. Voilà, et bah fais-toi plaisir. C'est nous qui l'avons acheté? Ah bah oui. Oui, bah oui. Ah d'accord, attends. Ok. Tain, sans déconner, évidemment. Qui a prévu le budget pour ça? On le chouchoute, ça. C'est Fun Radio. Pierre, je te fais une grosse bise. Toi aussi, hein, okay. Si tu pourrais. Un petit déguis, s'il vous plaît. Bah vas-y, fais ta dédicace. Bah, dédicace au bahut Saint-Léon-Neuf à Nancy. Et puis dédicace à votre équipe et à Rémi, il a trop la chance, ce mec. Ah ouais. Et on refera le jeu des stickers, ça, bien sûr. Hein, comme, ouais, comme parce qu'il a aussi gagné un iPad qu'il a là, d'ailleurs. Et ouais. Carrément. Et pour une fois qu'on file un beau cadeau, franchement, bah ouais. Ça fait plaisir. Hein. C'est quand même obligé de le rappeler, ça. Non, non, mais attends, on fait avec ce qu'on peut, surtout. Et non, c'est vrai que là, on s'est quand même fait plaisir. Matos, ouais. Est-ce que vous avez déjà fait des crasses à vos potes? C'est Alice, t'as reçu un petit message, on va en parler dans un instant. C'est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un message de Rémi, en fait, son meilleur pote, il est toujours en train de lui faire des sales coups et ce week-end en l'occurrence il a mis 2 heures pour sortir de chez lui parce que sa voiture était totalement emballée dans du scotch. On va en parler, les sales coups qu'on fait à nos potes là, dites-nous tout. 01 42 48 5000. En attendant, comme promis, The Weeknd et Daft Punk, Starboy sur Fun Radio. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Belly point two just to hurt you, All red lamp just to tease you, None of these toys on lease to, Made your whole year. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. That's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. The Weeknd, Daft Punk sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000.